Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Auto. On est ensemble pour la 24e fois de l'année, le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi qui a été la dernière course de cette longue saison 2025 de Formule 1 avec l'attribution d'un titre mondial chez les pilotes pour Lando Norris, une victoire pour Max Verstappen. Un débrief qui s'annonce évidemment chargé, le dernier de la saison avec cette fameuse finale à haute tension que les dernières courses nous avaient permis d'avoir. On est trois pour le débrief ce soir. Il y a Franck avec moi. Ça va, Franck? Bonsoir tout le monde. Ben écoutez, oui, c'est enfin la dernière de l'année, on va dire. Enfin, parce qu'on est tous un petit peu crevés, mais c'était chargé d'adrénaline, pardon, pour nous aussi, de fatigue, mais d'adrénaline aussi de cette finale avec Manu un peu plus tendu qu'Alex et moi certainement, puisque McLaren est bien sûr l'équipe de cœur de Manu et c'est finalement celle qui a réussi à tout remporter cette année, titre constructeur, titre pilote, de manière un peu plus, on va dire, professionnelle sur cette dernière course. Voilà, qui a permis effectivement à Lando Norris de bien sauver les meubles, de McLaren de sauver son titre pilote, parce que voilà, ça aurait été assez ahurissant que McLaren ne poche pas le titre pilote cette année vu le parcours, mais voilà, on va dire que l'honneur est sauf pour McLaren, en tout cas l'honneur est sauf pour les fans de McLaren. Après il y a à boire et à manger pour beaucoup de fans, hein. Certains consacreront toujours Max Verstappen comme le pilote de la saison, donc c'est aussi pour ça qu'on débriefera ce soir. Donc voilà, ça agite déjà les réseaux sociaux, hein. Voilà, donc nous aussi en termes de débat on va l'avoir ce soir entre nous. Tout à fait. Mais étonnamment, j'étais un peu surpris. Je m'attendais à des réseaux sociaux plus agités que ça encore. Je trouvais que c'était, voilà, il y a forcément quelques commentaires un peu méchants, mais globalement, ça m'a paru un peu plus une terre de paix et d'amour que ce que j'avais prévu en cas de titre de Norris. Peut-être aussi par rapport au déroulement de la course, on va revenir là-dessus. Ouais. Et il y a Alex avec nous ce soir pour en discuter. Ça va, Alex? Ça va très bien, mais en fait, on a eu quand même une finale où le spectacle n'était pas extraordinaire, mais moi, j'ai senti beaucoup de tension tout le long. C'était quand même passionnant à suivre de bout à bout. On dit souvent que les finales se passent pas comme prévu. Ben là, on a eu effectivement, on va en parler, le dépassement de Piastri au premier tour. Hein, Leclerc, beaucoup plus en forme qu'on l'imaginait. Je note, pour ceux qui nous regardent bien en vidéo, donc Manu a mis un t-shirt McLaren en hommage à cette saison. Moi, j'ai essayé d'avoir un pull orange et Franck, qui supporte Ferrari, a mis un t-shirt noir. Non, j'ai mon casque McLaren aussi, au final. J'ai converti toute cette équipe. Ouais, t-shirt noir qui correspond bien à la saison de Ferrari. Alors, je vois pas mal de messages. Je relèverai pas tout de suite. On aura l'occasion d'en reparler. Je vois pas mal de messages dans le chat. Alors, déjà, merci à Michael qui poste pour la première fois, qui dit c'est triste, on n'aura pas de t-shirt de Checky Verstappen. Effectivement, hein, c'est le souci. Et puis, je vois effectivement. Alors, non, la bouteille de whisky n'a pas pris un gros coup parce qu'en fait, on a travaillé hier soir, genre beaucoup. Non, non, bah ça va. Je me suis servi. Le verre est quand même pas mal, hein. Non, non, c'est un verre 10 centilitres, il était rempli à 6 à peu près, tu vois. Non, ah, en vrai, bah non, mais on avait ça, c'est ce que j'ai vu, ça. En fait, j'ai laissé que ça, j'ai bu le reste. D'accord. Non, évidemment. Évidemment, non, on avait, voilà, on avait beaucoup de taf, et puis la journée avait été longue. Longue journée, ouais. Ouais, quand même. Puisque vous avez pu lire une trentaine d'articles sur Next Gen Auto, plus d'une trentaine d'articles. Beaucoup, beaucoup de post-course, forcément, puisqu'il y avait énormément de choses à dire, notamment des réactions à chaud de tout le clan McLaren, hein, forcément, et aussi du clan Red Bull et puis des autres équipes. Je vois Lolo Radar qui dit Manu. Non, on dirait pas que Manu est heureux, mais si, je le suis, mais je suis pas non plus euphorique depuis hier. Hein, j'ai eu des moments de calme quand même. Et puis voilà, donc en tout cas, ça va être pas mal. Et Wario Zero disait Manu a l'air sobre. Oui, parce que je ne suis pas alcoolique, donc effectivement, je suis totalement sobre. Donc voilà, on est parti pour un petit débriefing de la dernière de la saison, hein, puisque c'est le 24e course que nous débriefons. Oscar Piastri termine deuxième de cette course, Lando Norris troisième et il est champion du monde, avec le titre constructeur également pour McLaren qui était acquis depuis Singapour, hein, donc ça c'était plus une discussion. Déjà, effectivement, on a eu en tout cas un week-end de McLaren qui était opérationnellement clean, hein, ce qui n'était pas le cas sur les deux précédents. Et puis, on a eu quand même, malgré tout, malgré la promesse de compartiment entre les deux clans, les deux côtés du garage, on a eu quand même une petite stratégie, hein, Franck, pour mettre Piastri en attaquant derrière Verstappen, au moment où Verstappen avait fait la pole devant Norris et Piastri. Et Piastri a eu la tâche d'empêcher Verstappen, en fait, de faire une tactique de ralentissement. Oui, tout à fait. Effectivement, tu as bien fait de le souligner, comme que Red Bull a quand même dominé McLaren en termes de performance pure sur cette course, hein. Quand même, c'était pas forcément attendu. On s'attendait effectivement à ce que McLaren puisse dérouler un peu plus facilement son jeu sur le tracé de Yas Marina. Donc, finalement, bah, la Red Bull s'est révélée, voilà, comme en progrès depuis le festival, en fait, capable d'en remontrer à la McLaren sur ce Grand Prix. Les réglages n'étaient pas évidents à trouver non plus, mais ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Et donc voilà, ben Verstappen étant parti en pole position et n'ayant pas cédé effectivement ben, sa position au premier virage, a déroulé sa course voilà, donc en partant donc Verstappen devant Norris et Piastri. Et la grande surprise de tout le monde, on voit Oscar Piastri qui dépasse Lando Norris très rapidement. Et tout le monde se dit, ok, il n'est pas là pour enfiler des perles, il va jouer sa carte sans coup faire rire. Bon, évidemment, Lando Norris n'allait pas le retenir, voilà, risquer un accrochage, quoi que ce soit, parce que lui, voilà, tout ce qu'il avait à faire, c'était entre guillemets, c'était assuré. Hein, voilà, dans cette position-là, il suffisait sur le podium, il était largement assuré d'avoir le titre. Mais ce qu'on a su après, en fait, c'est qu'effectivement, avec cette stratégie pneu dur pour Piastri, pneu médium pour Norris, c'est qu'effectivement, bah, c'est extrêmement bien joué, extrêmement bien calculé de la part de McLaren, parce que ça empêchait du coup Red Bull et Verstappen de dérouler la stratégie de Hamilton en 2016, et qui d'ailleurs de retenir un maximum le peloton derrière soi pour renvoyer au moment des arrêts au stand les McLaren dans le peloton. Donc voilà ce qui aurait pu effectivement mettre d'autres pilotes entre eux, notamment on pensait du coup à Russell, on pensait à Leclerc, voilà, qui avait aussi un rythme qui aurait pu être assez conséquent pour jouer les troubles faites, ce qui ne fut pas vraiment le cas, on le verra plus tard. Mais en mettant effectivement Piastri en dur, et ben voilà, là toute la stratégie Red Bull en fait, voilà, qui a été dévoilé, c'est ce qu'il comptait faire, hein, vraiment, ne pouvait pas s'appliquer. Parce que si vous ralentissez du coup tout le peloton, bah, c'est Piastri du coup qui en profiterait que c'est dur, voilà, pour passer et ensuite s'imposer. Et si Piastri finit devant Verstappen, Piastri finit devant au championnat, puisqu'il n'avait que 4 points d'écart entre eux. Et donc voilà, tout était foutu. Donc bah, voilà, donc la seule solution qui restait, c'était de finir en beauté pour Verstappen avec le panache et la victoire, ce qu'il a réussi à faire, et espérer un éventuel abandon pour Norris, voilà, puisque forcément il fallait attendre que Norris se finisse. Franchisse la ligne d'arrivée et marque ses points pour valider son titre mondial. Donc ça s'est joué jusqu'au dernier virage, dernier tour, certes pas en termes de bataille directe en piste entre les trois hommes, mais un coup de stratégie, ma foi, très très bien maîtrisé de McLaren, et qui remonte un peu, ce que je dis un peu, remonte un peu le niveau de ces derniers Grands Prix, parce que c'était un petit peu catastrophe sur catastrophe, cadeau de Noël sur cadeau de Noël, comme l'a dit Verstappen en conférence de presse. Voilà, ce qui effectivement l'a permis voilà, de rattraper plus de 100 points en championnat quand même. Donc voilà, on peut saluer au moins le fait voilà, que sur ce dernier Grand Prix, McLaren ait été sur la stratégie, sur l'opérationnel, sur la transparence aussi des règles du jeu annoncées clairement, voilà, qu'effectivement il n'y aurait pas de situation non plus où le titre pilote échapperait à McLaren parce qu'ils ne voulaient pas prendre de décision. Voilà, clairement, on aurait imposé des consignes à Piastri dans le dernier relais s'il n'était plus en position d'être titré. Donc j'ai envie de dire un week-end vraiment sans faute de McLaren, si ce n'est effectivement bah, le petit manque de performance par rapport à la Red Bull. Ouais, c'est ça, hein. C'est vrai qu'en plus on a eu donc directement un Norris prudent qui s'est fait menacer par Leclerc au début parce qu'il voulait pas, il voulait un peu économiser ses pneus, et puis qui finalement a été pris au jeu en fait des arrêts au stand, puisque Leclerc s'est arrêté très tôt pour faire deux arrêts, ce qui a obligé Norris à le faire, à la fois pour couvrir un undercut de Leclerc qui l'aurait sorti du podium et potentiellement l'aurait mis en menace d'un autre undercut de Russell ou Alonso derrière, et aussi un deuxième arrêt qui lui permettait de couvrir l'éventualité d'une safety car et d'un arrêt, enfin, ou d'une fin de course en tout cas, avec la menace de voiture avec de meilleurs pneus derrière lui. Donc il a dû se... ça va pas être une course, ça va pas être un long fleuve tranquille cette course pour Norris, puisqu'il est ressorti 9e des stands, et il a dû remonter jusqu'à la 3e place, en dépassant plusieurs pilotes, notamment un certain Yuki Tsunoda qui l'a un petit peu malmené. Mais là aussi, une belle course d'attaque de Norris, Alex, aussi, pour permettre justement de revenir sur cette position de champion virtuel à ce moment-là. Ah oui, beaucoup. Alors moi, j'étais quand même déçu hein, par le rythme de la McLaren. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus rapide, surtout par rapport à la Red Bull, ce qui fait dire que tout le monde, que McLaren avait la meilleure voiture, la meilleure voiture, la meilleure voiture. Non. Pour moi, la meilleure voiture en cette fin de saison est... En tout cas, dans les mains de Verstappen, c'était quand même la Red Bull, et je pense que ça, ce Grand Prix l'a aussi montré. Belle attaque enfin belle remontée de Norris. Moi, je pense qu'il aurait préféré. Il a bien dit en conférence de presse, c'était moins facile que prévu, mais ça aurait pu être encore plus difficile. Je pense que ça résume bien toutes les étoiles semblaient finalement pas trop bien s'aligner en début Grand Prix pour Norris, le dépassement de Piastri, ensuite revient dans le peloton, Leclerc qui klaxonnait, et moi franchement je l'ai vu à plusieurs reprises, dépasser Norris, et ensuite, je ne sais pas si c'est le moment de parler de Tsunoda, mais alors d'abord il y a Lawson qui est aussi un pilote Red Bull, et qui a tenté de redépasser Norris avec le DRS après son arrêt stand, et surtout donc le dépassement sur Tsunoda, Norris l'a dit, à 5 cm, c'était dans le mur. Et c'est une question qu'on peut poser. Est-ce que Red Bull, avec leur message répété, leur message radio répété à Tsunoda, Norris arrive, Norris à une seconde, etc., etc., est-ce qu'ils n'ont pas quelque part aussi provoqué ou enjoint Tsunoda à faire une défense hyper agressive? Alors au passage, Tsunoda a dit « Je sais ce que je fais, je sais ce que je fais, laissez-moi faire. » Bah, pas du tout. C'est clair. Oui, le message n'était pas très bon. D'ailleurs, juste pour glisser là rapidement, Marco a dit bon, j'étais hyper déçu, mais l'année prochaine, j'espère qu'à Adjar, ça se passera mieux. Voilà. J'ai bien aimé la réaction de Pérez qui a réagi en tweet en disant mais peut-être qu'on a sous-estimé Pérez comme ministre de la Défense, qu'on fait ça en 2021, et Pérez a réagi en disant peut-être, avec un smiley qui rigolait. Donc, c'est assez pathétique et quand même dangereuse cette défense de Tsunoda. Moi, j'ai pas été. Évidemment choqué par l'absence de... Alors moi, j'aurais pas mis 5 secondes à Tsunoda. Évidemment, la FIA a dit qu'elle ne juge jamais les conséquences, mais si Norris a fini dans le mur, voilà, c'est pas 5 secondes que Tsunoda aurait pris. Je pense que c'est un bannissement pour une course. Moi, j'ai pas été choqué par l'absence de pénalité. C'est clairement Norris un dépassement hors piste, hein, c'est sûr. Mais il dépasse pas hors piste, c'est Tsunoda. C'est clair qu'on sait pas... C'est ce que tu dis, c'est clair que si Tsunoda sort Norris, on a une polémique de dingue là quand même. Alors là c'est la polémique du siècle. Là c'est la polémique de. Voilà, l'an dernier, Verstappen avait quand même sorti Piastri. Hein, donc là c'est sûr, et en plus on aurait là une polémique de dingue avec les messages radio répétés. Tsunoda a fait vraiment. Vraiment, c'était nul quoi. Et il a donné raison à Marco. Donc, Norris, pas une course facile en retrait de Piastri tout le week-end. Il était clairement le troisième derrière Verstappen et Piastri. Et j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'il voulait. Hein, ça lui suffisait. C'est la régularité qui est couronnée. Hein. Norris, c'est quand même 18 podiums cette année. Piastri, 16. Verstappen, 15. D'ailleurs, entre parenthèses, Verstappen fait un podium de plus que l'an dernier. Et il gagne le même nombre de courses que Hamilton en 2021. Sans être champion, record. Et Verstappen gagne une pole de plus que les McLaren. Ouais. Il fait une pole de plus. Donc voilà, Norris, c'est la victoire à la régularité. Moi, je suis content pour lui parce que, pas oublier qu'il a eu une casse moteur à Zandvoort. Bon, tandis que ni Verstappen ni Piastri n'ont eu deux problèmes de fiabilité. Et puis, il y a eu bien sûr la disqualification de la Zegas, donc sur le papier, c'est clairement mérité pour Norris. Après, est-ce que ça a été le meilleur pilote de la saison? Je pense que on sera d'accord pour dire que Verstappen est quand même encore une classe au-dessus, mais Norris a aussi d'autres qualités. Ça s'est joué à tellement peu de choses. Hein, quand on dit que chaque point compte, bah, c'est pas qu'un lieu commun, c'est une vérité cette année. 2 points, c'est l'écart le plus serré depuis l'introduction du nouveau barème en 2010. À ceux qui disent aussi que c'est les 3 points de Monza qui ont tout changé lorsque McLaren a inversé les positions, oui et non, parce que de toute façon, ils auraient inversé les positions avec Piastri en fin de course aussi à Abu Dhabi. Mais ouais, chaque point compte. Et ben, on est content. Hein. Moi, j'étais très content de voir les images rafraîchissantes aussi de la fin des points avec Norris qui était vraiment ravi. On a fait aussi beaucoup d'articles. Norris a beaucoup parlé dans sa conférence du champion de deux choses. D'abord, son état d'esprit. Je crois que ça a été dit par quelqu'un en commentaire. Il a toujours voulu être un bon gars, un champion qui voulait être un bon gars, sans donner de pique à quelqu'un, sans être trop agressif comme Max, et il a cité Max Verstappen, sans être trop forceur, comme d'autres anciens champions du monde qui étaient trop forceurs. Là, il n'a pas cité Michael Schumacher, mais on peut penser à lui. Quelqu'un qui s'est aussi ouvert, et ça, c'est un autre article qu'on a publié, très très transparent sur sa santé mentale. Il a été beaucoup critiqué sur ce point, mais je pense qu'il a beaucoup fait avancer la cause de la santé mentale qui restait encore un tabou. Il a vu du monde, il s'est ouvert sur ses failles, même sur l'interview du champion, il a dit oh là, j'ai l'impression d'être un loser. Enfin bon, là, c'est un pilote, c'est rare de voir le meilleur pilote du monde, hein, parce qu'il est maintenant s'ouvrir ainsi. Donc je pense que c'est le premier championnat du monde qu'on assiste. C'est rafraîchissant, c'est bien, ça fait du bien. Voilà. Après, c'est peut-être pas le meilleur pilote de la saison qui a été sacré. Pour moi, ça reste Verstappen, mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres champions aussi. Hein. Nico Rosberg, etc. voilà, c'est clairement pas le fait que d'être dans la meilleure voiture au bon moment. C'est aussi l'histoire de la F1. Et c'est ce que Norris a prouvé. Donc on est ravis pour lui. Et c'est aussi, de ce corps. C'est aussi une fidélité récompensée à McLaren, puisqu'il a fait des débuts avec dans l'équipe. Et il a prolongé son contrat en 2022, à l'époque où McLaren nageait totalement avec une grosse déception sur le début de la réglementation. Et McLaren nageait dans l'inconnu total. Et lui a prolongé jusqu'en 2025 à ce moment-là. C'est le point que je voulais souligner, effectivement, pour dire que pour ceux qui disent qu'effectivement Verstappen est le meilleur pilote de la F1 actuelle, et ça, je pense que personne ne le conteste. Même, je pense aussi, même que beaucoup de fans de Norris doivent aussi le reconnaître, hein, même si les fans aiment bien avoir des œillères des fois, mais je pense que tout le monde. Je pense que même Norris lui-même est capable de reconnaître oui, voilà, que Max oui, a plus de force, en fait. Moins de faiblesse, peut-être, tout simplement. Mais ça n'en fait pas moins ce que tu dis. En fait, l'histoire de Norris qui est arrivé quand McLaren était vraiment une écurie presque exsangue et la remontée. Si McLaren en était à ce niveau-là aujourd'hui, c'est pas que les ingénieurs, c'est pas que l'usine, c'est aussi son travail à lui, c'est le travail de ses coéquipiers, des directeurs, des ingénieurs, des mécaniciens, des concepteurs. Et donc, Norris a toute sa part dans ce succès, et on sait de toute façon qu'en Formule 1, pour gagner, il ne suffit pas d'être le meilleur pilote, il faut aussi avoir une excellente voiture, peut-être pas forcément toujours la meilleure de la meilleure, mais au moins une excellente voiture, en tout cas régulière. Et c'est en ça que, pour moi, Norris est un champion extrêmement méritant. Je voulais juste repartir parce que j'ai vu quelques réseaux sociaux quand même qui disaient que voilà que c'était plutôt Verstappen qui méritait le titre et tout ça. Enfin bref, moi je rentre pas dans cette discussion là parce que une saison c'est 24 courses, c'est pas juste un point à gauche, un point à droite, c'est pas uniquement c'est pas par exemple Kimi Antonelli qui va s'excuser auprès de Verstappen à la fin de la course d'Abu Dhabi pour les parce qu'on quand il lui dit j'ai appris qu'il avait perdu pour 2 points, et que c'est peut-être les 2 points que lui il a recédé à Norris en fin de course du Qatar, ce qui lui a valu un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux. C'est aussi Verstappen qui se met tout seul dans le jus à Barcelone et on lui rappelle et il aime pas, mais forcément là pour le coup c'est vraiment ça. C'est voilà. Mais c'est Norris avait perdu aussi au moins 10 points en percutant Piastri au Canada. Ouais, Canada donc, tout le monde un peu à sa part de problème, et je pense que d'ailleurs certes Verstappen fait une saison qui est assez irréprochable, à part je pense que le coup de le journaliste qui pose la question en conférence de presse, je trouve qu'il était taclé un peu sévèrement parce que c'est vraiment la seule grosse erreur de Verstappen de la saison, et une erreur évitable en plus. C'est même pas une erreur de pilote, c'est même pas une erreur de pilotage, c'est ça. Dû à son affect, alors que Norris, par exemple au Canada, c'est une faute de pilotage. Là, Verstappen, c'est déjà un pétage de plomb, c'est tout à fait différent. Et tout à fait différent, bien sûr, d'une classe moteur. Et sans ça, il faisait vraiment une saison sans faute. Ouais. Après, voilà, Verstappen profite, comme il l'a dit, de beaucoup de cadeaux de Noël de la part de McLaren ces derniers temps. Et sans ça, effectivement, il n'était pas à ce niveau-là en train de jouer le titre jusqu'au dernier Grand Prix, quoi. Ça se jouait ou à Las Vegas ou au Qatar au pire, mais pas à Abu Dhabi. Bah, c'est sûr que Norris, si t'enlèves la casse moteur, la disqualification et la stratégie ratée au Qatar, c'est 21 podiums. Donc forcément, voilà, il y a une régularité de fou chez Norris. Et moi, j'en reviens exactement au discours que j'avais la semaine dernière dans cette même émission. Le champion, quel qu'il soit, est méritant quand on arrive à ce niveau-là sur une année complète. Alors on n'est pas au niveau de folie, de tension de 2021 où vraiment les deux pilotes étaient tout le temps devant, tout le temps machin. Là, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de difficulté. Les voitures ont quand même beaucoup évolué en termes de rapport de performance, parce que c'est vrai que tout le monde dit la Red Bull était mauvaise et tout ça, mais la McLaren a eu quand même des circuits vraiment difficiles aussi, avec une fin d'année où la voiture n'a pas évolué depuis Silverstone. Donc on a vraiment quand même quelque chose de très très complexe pour McLaren à faire à exploiter. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end, ils n'étaient pas au niveau de Verstappen, ils n'ont jamais réussi à le rattraper, comme à Vegas. Et c'est comme ça. Et on a vu des moments plus difficiles pour Red Bull, notamment au Brésil, où Verstappen se fait éliminer en Q1 sans qu'on comprenne vraiment pourquoi et sans qu'eux comprennent pourquoi non plus. Et voilà. Et on arrive au bout avec des pilotes qui finalement, à part peut-être Piastri qui était pour moi un peu en retrait, parce qu'il a vraiment eu, c'est le seul qui a eu une série de courses vraiment mauvaise. Il y a eu vraiment plusieurs courses où il était complètement Baku dedans, notamment. Ouais, bah il y a eu Baku où il a craqué, et après Singapour, Austin, Mexico, il était en retrait. Singapour, Austin, Mexico et Brésil. Enfin Brésil, c'est il, revenir, c'est, mais il est vraiment. C'est vraiment lui qui a perdu le titre pour le coup. C'est vraiment lui qui s'est mis en dedans. C'est ça. Et Norris, tout le monde lui reproche en début de saison, mais alors oui, j'ai regardé un peu les résumés de courses de début de saison. Il fait des erreurs. Il fait une erreur en qualif à Jeddah. Il fait une erreur en course au Japon où il essaie de dépasser Verstappen à la sortie des stands et il passe dans l'herbe, enfin c'est n'importe quoi. Et il fait son erreur au Canada, mais à part ça, il fait quand même une saison vraiment solide. Et surtout, une fois que la voiture était beaucoup moins à la limite pour lui, on a vu qu'il avait repris du rythme. Donc, et puis bah, Verstappen, on en a déjà parlé, on va en reparler après. Mais effectivement, on est quasiment à la saison parfaite. Dommage que l'imperfection de sa saison soit aussi violente, parce que pour moi, c'est quand même une vraie tâche à son palmarès d'avoir fait un pétage de plomb pareil. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut plus voir en Formule 1. Ça restera pas sur son CV à la fin, c'est pas ça qu'on retiendra de lui, et heureusement, c'est juste un peu triste. Mais voilà, effectivement, ça s'est joué à quelques points, 2 points près, mais on peut pas. C'est compliqué parce que tu peux toujours voir le moment où il a perdu. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, Antonelli dit j'ai fait gagner 2 points à Norris, mais Antonelli harponne Verstappen en Autriche. Donc tu peux aussi dire c'est à ce moment-là qu'il perd son titre. Donc. 24 courses. Avant, quand il y avait 15 ou 12, 16 courses, tu disais, bon, effectivement, là, il y a un truc spécifique à un moment où, tu vois, une série de 2 courses, on l'a perdu. Aujourd'hui, c'est tellement long, les saisons, qu'il faut un niveau totalement fou en opérationnel, en mental, en physique pour les pilotes, et en mental pour les pilotes et les équipes. Pour moi, voilà, t'as plus de champions non méritants. Alors après, t'as les champions qui sont moins... qui ont moins de panache, et je trouve pas que Norris ait manqué de panache hier. T'as les champions qui ont eu un peu plus de, voilà, de planètes qui se sont alignées. Un peu à la Rosberg 2016 aussi, un peu à la Verstappen 2021 avec une belle planète qui s'aligne aussi, mais voilà. Et au fur et à mesure, t'as des choses comme ça. Mais on a vu aussi plein de gens ne pas réussir à faire ce que Norris a fait, c'est-à-dire se casser les dents contre Verstappen, notamment Leclerc en 2022, qui avec Ferrari se prend un peu les pieds dans le tapis alors qu'ils sont au départ devant Red Bull et Verstappen. Et voilà, moi je trouve que là où je trouve dommage les fans de Verstappen qui disent oui, Norris c'est pas méritant, tout ça, c'est qu'en fait il a battu celui que vous dites être le meilleur pilote du monde. Donc même s'il a eu un peu plus d'avantages ou un peu plus de choses de son côté à un moment, il est quand même venu à bout de celui que vous estimiez jusque-là imbattable. Parce que ça, on a entendu des choses sur Verstappen, il gagnerait avec la 5e voiture du plateau, machin. Alors déjà on a vu que non, quand il n'a pas une voiture parfaite, il ne gagne pas. Et en plus de ça, il n'est pas imbattable, il n'est pas imprenable. Et on l'a déjà vu. Donc voilà, et c'est bien. Encore une fois, c'est bien de ne pas avoir que des surhommes en F1 et de ne pas avoir. Voilà, ça reste des humains. Il faut remettre le facteur humain. Et le pétage de plomb de Verstappen, en ça, il est bien aussi, selon moi. Il est bien. Il est utile des fois en rappel, c'est que. Les pilotes sont des hommes avant tout, et voilà, tu peux avoir des moments de craquage. Mais est-ce que c'est pas toi, Manu, qui a posé la question à Verstappen? Non, je suis pas la question. Non, mais je pense un sourire stupide. je pense que cette question-là, c'était obligé qu'elle arrive en confort. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il avait bien préparé. Bien sûr. Même Marco en a parlé. Hein. Oui, bah Marco, lui, par contre, il dit clairement que ouais, ça a joué. Lui, par contre, il dit pas. Peut-être que Verstappen lui a dit dans le centre qu'il avait un sourire stupide. Hein. À Marco. Mais bon, c'est pour ça qu'il part. Après, c'est toujours pareil. Si Verstappen ne pète pas les plombs, et certes, il prend plus de points, mais McLaren aurait certainement géré les courses différemment sur la fin de saison et tout. En tout cas, voilà, on est d'accord que pour moi, McLaren a vendangé beaucoup plus de points cette saison que Verstappen. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, je repense aussi au sprint d'Austin. Oui. Où les deux McLaren se rentrent dedans. Alors, bien sûr, c'est pas que leur faute. Plutôt, ouais. Ouais, où il y a aussi, Hülkenberg selon Zach Brown. Mais bon, c'était un incident de course. Mais là, on avait clairement le sprint, c'est aussi le sprint. Et on peut penser même au sprint du Qatar. Norris reprend un point à Verstappen. Enfin, ça s'est joué tellement des détails que, alors qu'on ne pensait pas du tout. C'était vraiment. Si ce pétage de plomb-là, il arrive dans les 2-3 dernières courses, effectivement, là, par contre, oui, tu peux clairement lui mettre le doigt dessus en disant là, tu un truc qui arrive quasiment au début de saison. Ça c'est quelque chose, des points que tu as perdu qui sont largement rattrapables ou en tout cas gérables par McLaren en réponse. Et beaucoup de gens oublient qu'en Australie Piastri était deuxième et a fait une sortie de piste et il a fini neuvième sous la pluie. Oui. Ça aussi, enfin je veux dire, évidemment sur 24 courses on ne peut pas tout savoir, mais il y a quand même un constat pour moi, c'est que McLaren a vendangé beaucoup plus de points. La réalité c'est qu'on n'aurait pas dû avoir ce suspense jusqu'à la dernière course. C'est ça, parce que quand tu vois que l'équipe constructeur Verstappen finit troisième à elle toute seule... Mais le problème de toute façon c'est que c'est bien simple, avant la disqualification, encore une fois, au moment où on franchit la ligne à Las Vegas, il y a 42 points entre Norris et Verstappen, et finalement on se retrouve avec 12 points au soir du Qatar. Donc il y a bien eu, il y a eu des grosses erreurs chez McLaren, et puis il y en a eu avant aussi. Moi je trouve que c'est plutôt l'équipe qui a vendangé des points plus que les pilotes. Néanmoins, je voulais quand même revenir aussi sur le fait que bravo à Brown et Stella d'avoir gagné leur pari, qui est que ils ont préservé l'équité, ils ont préservé une certaine justesse dans l'équipe, ils ont préservé l'ambiance pour la suite. Voilà, c'est la première fois qu'on voit un duel entre les pilotes qui se finit bien. Hein. Ouais. Parce qu'on a peut-être certains tenté d'en faire sur les tensions, mais franchement, pour un titre mondial, mais c'est quasiment... En 88, chez McLaren, ça allait encore. C'est vrai, ça allait plus. Non, mais tu vois, mais toutes les photos qu'il y a eu ce week-end, là, avant la conférence de jeudi, hier, pendant qu'ils ont fait la photo de classe et tout ça, tu vois Norris et Piastri qui sont très détendus l'un avec l'autre. Et évidemment, quand t'as pas les caméras autour et quand t'as pas toute la pression, tu vois que, et même avec Verstappen d'ailleurs, là-dessus, bien bravo à tous les trois parce que. Il y a eu une super ambiance, ils ont fini tous les trois sur le podium, donc bravo, parce que bah, c'est les trois hommes forts de la saison. Mais chez McLaren, ça aurait pu bien plus mal finir. On l'a vu, encore une fois, 2016, 2007, 89. Ça aurait pu plus mal finir si Piastri n'avait pas eu sa baisse de forme sur la fin de saison, je pense. Là, je pense que le fait qu'il ait lui-même baissé de forme, ça a naturellement joué peut-être aussi dans son esprit sur le fait que ah, cette année ne sera pas pour moi. Je pense. Ouais, c'est possible. Mais après, il n'y aurait pas eu sa baisse de forme. Il y aurait eu 2 points d'écart entre les deux derniers Grands Prix, ça ne jouait pas pareil. Là, avec 16 points d'écart, forcément, déjà, il abordait en mode il faut vraiment que Norris ait une connerie, il fasse une connerie ou un abandon pour que j'ai ma chance, quoi. Donc, je pense qu'il était déjà aussi un peu plus relax mentalement par rapport à ça. Donc, ce qui aide aussi, je pense, aussi, du coup, à gérer la pression de la dernière course. Maintenant, voilà, s'il n'avait pas eu cette baisse de forme, effectivement, je pense que ça aurait été peut-être plus tendu quand même à gérer entre les deux. Ça c'est sûr, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que moi je trouve bravo à eux. D'ailleurs, on a vu un Stella assez ému hier. Même Brand était assez ému. Et bravo à eux parce que du coup, ils n'ont pas sacrifié 2026 pour avoir un titre. Alors, tous les paris sont gagnants en fait. Tous les paris ont été perdants si hier ils avaient perdu le titre pilote parce que ils ont essayé de nous dire que le titre constructeur valait plus pour l'équipe, etc. Mais hier, Brand a quand même dit oui qu'il avait un stress qui était assez unique au moment de. D'affronter cette finale et d'espérer gagner le titre. Donc, Après, voilà, parce que si les écarts sont encore plus serrés entre les voitures l'an prochain, moi je pense que c'est pas tenable. Hein. Honnêtement, on va pas vers ça normalement. L'an prochain, ça devrait être plus les écarts normalement plus. C'est pas, hein. Plus grand. Bah là, quand tu vois qu'Abu Dhabi, ça se finit quasiment à. Le premier éliminé en Q1, il n'y a même pas 5, même pas 3 dixièmes, je crois. Ouais, 3 dixièmes. 4 dixièmes et demi, et en Q2. Il y a 267 millièmes entre le premier qualifié et le dernier qualifié. T'as Leclerc qui passe et Hamilton qui passe pas, et entre les deux, il n'y a même pas de dixième. Quoi, donc, c'est un truc de malade. Quoi, donc, ça, je ne pense pas qu'on le reverra l'an prochain. Alors, ce sera vraiment assez fou. En tout cas, ce sera assez fou de commencer une nouvelle augmentation avec des voitures moins d'une seconde. J'y crois pas, honnêtement. Je ne mettrai pas 20 balles dessus. D'ailleurs, c'est le moment de payer paye mes dettes. En tout cas, Piastri va avoir des regrets parce qu'il finit quand même les deux dernières courses bien mieux que Norris. Ah, il va avoir évidemment beaucoup, qu'il a des regrets, mais il les casse à la troisième saison à F1. Hein, c'est ça. Norris, sa septième. Enfin, on est clairement sur un futur champion du monde. On ne sait pas exactement quand, ni d'ailleurs avec quelle équipe. Mais voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, un petit carton jaune à Zach Brown qui coupe l'ingénieur de course de Piastri dans le tour d'honneur qui a. Voilà, alors qu'ils étaient en train d'échanger son ingénieur, donc Tom Stallard et Piastri sur la fin, et c'est Zach Brown qui arrive à la radio, bravo, super, tu seras champion, machin, super. Ouais, oui, mais il a un peu fait pareil avec Norris aussi. Ouais, c'est, je trouve ça un peu, ouais, ça c'est l'américain, des fois que c'est, voilà, c'est gros sabot, on va dire, mais ouais. Ces moments-là d'un peu de privilège qu'il va y avoir entre un ingénieur de course et son pilote pour la fin de saison, c'est toujours un peu le moment que tu n'as pas trop envie de perturber, quoi, donc. C'est un peu le dernier échange entre guillemets qu'on sait qui est diffusé en plus à la radio, à la FOM, et t'as Zach Brown qui arrive et qui fout le pied dans le plat. Ça, j'ai trouvé ça un peu moyen, quoi. Peut-être la seule fausse note, on va dire, dans la partie célébration, quoi. Oui, c'est vrai que, mais même, ouais, bon, de toute façon, on voit la différence avec Andrea Stella qui a été très en retrait, qui est venu faire félicitations et tout, mais qui était un peu plus, voilà, contemplatif de tout ça. Zach Brown, on sent qu'il avait envie de participer visuellement, quoi, on va dire. Non, il dit c'est le tonton gênant, on repasse famille après quelques verres. Alors, je sais pas comment il est après quelques verres, il me semble pas encore. C'est Jean Lézy, le tonton. Voilà. Ah oui, bah oui. Il y a d'autres tontons un peu plus gênants, on va dire. Oui, il y a MBS aussi qui vient mettre la main dans les cheveux de Norris, ça lui a attrapé les cheveux, je sais pas trop pourquoi. Mais effectivement, il y a eu quelques tontons plus gênants que Brand, mais c'est vrai que Brand est un petit peu envahissant. Après, bon, Brand, c'est pareil, hein, c'est son projet. De 10 ans, il est arrivé il y a 9 ans chez McLaren, il a repris une équipe qui était au fond du gouffre, et il en a fait une équipe double champion de constructeur et champion de pilote en moins d'une décennie. Il faut oublier que début 2023, McLaren était l'équipe la plus lente sur le plateau, et là ils viennent de réussir leur premier doublé pilote-constructeur depuis Häkkinen et 98. C'est ça. Donc, J'avais 12 ans la dernière fois qu'ils en ont fait un, donc tu vois un peu le truc. Peut-être que je serai à la retraite, t'en reverras pas. Hein. Bah merci pour le moment de prime. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que ta bouteille de whisky aura eu le temps de bien vieillir. C'est vrai. Mais non, mais voilà. C'est mais à consommer avec modération, la preuve, c'est que on consomme une fois tous les 27 ans. C'est vachement surprenant. Ouais, donc ça nous fait du 2057. Ouais, c'est ça. Je serais sûrement à la retraite si pas pire, mais. Mais bon, McLaren a encore l'espoir de faire mieux. Hein. Faire le double champion pilote, comme tu l'as dit, c'est... ça reste du coup le petit step. Qu'ils ont pas fait, oui, il va refaire l'an prochain encore. Là, ça va être compliqué. L'an prochain, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Ça va être compliqué, effectivement. Bah, s'il y a une équipe qui... De toute façon, s'il y a une équipe qui trouve la bonne formule, elle pourra faire un et deux. Oui. Est-ce que ce sera McLaren, est-ce que ce sera Mercedes, est-ce que ce sera Ferrari, est-ce que ce sera Red Bull, est-ce que ce sera Alpine, Aston. Alpine, je mettrais pas 20 balles dessus. Je mettrais même pas 1 euro, je pense. Mais je pense qu'un petit pari sympathique là, avant que les codes de la saison sortent, tu mets 50 ou 100 balles sur chacune de ces équipes là, même Aston, tu vois, tu peux faire. Tu dis, bon, ok, t'as perdu 100 balles, mais si tu es champion constructeur à la fin de l'année, je pense que tu fais une belle multiplication. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Alors Yves nous dit dire que dans un univers parallèle, Piastri reste pilote alpine, Ricciardo reste chez McLaren et devient champion du monde. Alors vu les roustes que prenait Ricciardo par Norris, non. Je pense qu'il aurait été le porteur d'eau de Norris à mon avis, malheureusement pour lui. Et oui, non, Sainz. Ouais, hein, Sainz, lui c'est un peu... C'est vrai qu'il peut avoir... Bon après je pense qu'il n'a pas de regrets. Ah, Sainz, tous les deux ans, il change d'équipe alors. On va voir où est-ce qu'il ira fin 2026. C'est ça. Chez Aston, peut-être. Il l'a pas fait encore. Ou chez Ferrari. Et donc, si Ferrari est champion l'an prochain, il pourrait dire qu'il est passé trop tard partout, en fait. Enfin, J'aimerais bien Alonso conseiller Sainz à Aston, hein, s'il prend sa retraite. Ah bah oui, oui. Si chez Williams, ça marche pas, évidemment. Ouais. Parce qu'on va y revenir après, mais Alonso a dit un truc bizarre par rapport à 2026. Je fais un peu de watch time. On va quand même. Bon, je pense que pour McLaren, on a à peu près fait le tour. En tout cas, moi aussi, je voulais, comme toi, Alex, dire que c'était très, très bien de voir un Norris très cash et très ouvert et tout ça, comme il a toujours été. C'était bien. Et on a fait quelques trucs sur la manière dont il aborde le fait d'être champion et tout ça. Et il a aussi quelques annoncé. Trucs. Ouais, non, mais sur la manière dont il aborde d'être champion, parce qu'il y a eu plein d'autres choses aussi sur plein d'autres sujets. Évidemment, on a fait 5 ou 6 articles sur Norris depuis hier. On a mis un long article sur la santé mentale où on a mis aussi des liens sur des déclarations qu'il avait faites même durant le Covid, donc pour montrer un peu la profondeur de son engagement aussi sur le sujet. Et c'est quand même à saluer parce qu'il faut être courageux. Au contraire, c'est plutôt une preuve de courage parce que il y a beaucoup de pilotes qui n'osent pas le faire en fait. Bah, plus ancien, Damon Hill était. Grosjean l'a fait. Ouais, Grosjean l'a fait, il l'avait dit. Damon Hill a eu une longue histoire de dépression mentale et il n'en a parlé que très très tard, peut-être une décennie ou une décennie et demie après sa fin de carrière de pilote. Mais il expliquait que justement, toute la période où il a été champion, l'année d'avant où il a eu une année très compliquée face à Schumacher, il était en grosse dépression. Et c'est bien que Norris amène ce sujet-là de cette manière-là en disant bah oui, effectivement, c'est pas parce qu'on est un athlète de haut niveau ou une athlète de haut niveau qu'on est champion du monde, qu'on est voilà, que tout nous réussit, que tout va bien. Donc voilà, c'était important de le faire. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça changera l'an prochain ? On voit déjà des déclarations de Zach Brown Stella pour dire je suis sûr que Piastri sera un jour champion du monde. Voilà. Alors, c'est fait aussi, bien sûr, pour réconforter Piastri. Est-ce que Norris va changer de dimension et vraiment encore monter d'un cran et dominer Piastri qui sera abattu, ou au contraire, est-ce qu'il va dire voilà, j'ai atteint mon rêve et je peux relâcher la pression et Piastri le mérite. Bon, ça, c'est tout l'enjeu qu'on va suivre. On voit Piastri, il est quand même sur une pente ascendante. Moi, je pense qu'il va créer de grosses migraines encore à Norris. Ouais, bah oui, non, c'est sûr. Hein, de toute façon, Piastri, et puis là, il aura un côté revanchard parce que maintenant, il sait qu'il peut le faire, il sait qu'il l'a eu du bout des doigts, donc forcément, il va vouloir y aller. Après effectivement l'an prochain tout sera tellement différent qu'on peut même pas prédire sur le fait qu'ils seront encore en lice pour le titre. Bonsoir à Vardoron qui a pris son 7e mois d'abonnement, merci à toi. On va passer à... Ah oui, et Norris, je voulais dire, a aussi annoncé quel numéro il porterait. Franck, je te laisse annoncer s'il prendra le 4 ou il prendra le 1 ou gardera le 4. Suspense. Il portera le numéro le 1. Voilà. Oui. Il le reprend du coup à Max. Parce que bah voilà, c'est quand même très rare de pouvoir porter le numéro 1 dans sa carrière sur une monoplace. Donc voilà, il faut effectivement en profiter. C'est aussi un moyen pour lui de remercier l'équipe. Oui. Voilà, parce que moi, je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez cool pour toutes les personnes qui travaillent à l'usine. Ce qu'Hamilton n'a pas voulu faire, par exemple, chez Mercedes, je pense que, à part sur une séance d'essai libre, voilà, histoire de faire quelques photos, mais c'est vrai que, bon, c'est pas. C'est vrai, quand on y pense, c'est vrai que c'est pas forcément très très cool pour les mécanos qui bossent dans le garage de ne pas voir le numéro 1 sur cette voiture alors qu'ils le mériteraient. Et de voir juste le numéro 44 du pilote. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais trop apprécié. Hein. Je suis un assez grand fan d'Hamilton. C'est vrai que j'ai pas vraiment apprécié qu'il renonce à ce numéro 1. Au moins, autant de saisons que ça. Voilà. Je pense qu'il aurait au moins essayé de le porter au moins une saison pour Mercedes. Je pense que ça aurait été assez cool. Bref, en tout cas, Lando Norris a choisi de porter le numéro 1. Il l'a déclaré à l'issue de sa grosse fiesta qu'il a fait hier soir. On l'a vu un peu. Pour le coup, lui, il est un petit peu bourré quand même, mais bon, je pense qu'il a bien mérité quand même. Oui, oui. Et voilà, et du coup, on aura Verstappen qui devrait alors reprendre le 33 si la FIA ne change pas la règle, parce qu'on vous a parlé il y a quelques jours, semaines maintenant, je sais plus, du fait que la FIA pourrait accorder au pilote de F1 un changement de numéro permanent dans la carrière. Et du coup, si Verstappen peut effectivement changer de numéro permanent, il passerait du 33 au 3, puisque le 3 c'est le numéro que portait Ricciardo en F1 et que c'était le 3 que lui voulait, sauf qu'il était pris, donc soit qu'il avait doublé le 3, il a mis 33, sauf qu'au début de la saison prochaine, ça fera pas exactement 24 mois que Ricciardo aura quitté la F1, donc logiquement on n'aura pas forcément accès au numéro 3, donc peut-être y aura une dérogation, enfin bref, ça va être un petit peu notre soap opéra de tout l'hiver, rester branché sur Next Gen Auto, il y aura un article par jour là-dessus. On interviewera tout le monde. La FIA, Ricardo. Peut-être qu'il prendra le 3.5 en attendant, tu vois. Le 2.9. Je te sens dubitatif, Alex, avec tout ça. Bah, c'est quoi ces règles un peu pénibles Bah, c'est la FIA, voyons. Je pense que Verstappen a un petit peu poussé. Est-ce qu'ils ont fait des guidelines pour ces numéros, parce que... Oui, mais non, je pense que Verstappen a dû clairement pousser en coulisses pour récupérer le numéro 3. Oui. Ça sort pas de nulle part, hein, ce changement, à mon avis. La FIA va pas se dire aujourd'hui, tiens, si on autorisait un changement de numéro permanent. C'est clairement qu'il y a eu une demande quelque part. Mais la demande, à mon avis, elle vient clairement de Verstappen. Oui. Et si on veut garder Verstappen en F1, il faut le caresser dans le sens du poil. Ah oui. Et enfin, on ne peut pas céder à ces chantages non plus pour le garder, tu vois. Oh, bah, c'est un chantage qui coûte pas trop cher pour le coup. Oui, non, ça va. Si, ça va. c'est la boîte de Pandore après. C'est demander l'abandon du règlement 2026. Ah oui, oui, oui, 69 pour rigoler. Mais, dans 2 ans, il demande le retour au V10. Et dans 4 ans, on fait un Grand Prix sur la Nordschleife. Donc Il ne voulait pas 69, oui, c'est vrai qu'il n'avait pas eu 69. D'ailleurs, quand il a fait sa 69e victoire... Et on revient à 12 Grands Prix par an. Oui. Ouais, quand il a fait sa 69e victoire, ils avaient inversé le panneau lors de la fête. Ouais. Max win 69, il a mis le panneau à l'envers, ça faisait toujours 69. Mais je ne ferai pas de blagues graveleuses sur ce numéro. C'est bien. Non, il vaut mieux pas si on ne veut pas se faire couper par Twitch. Merci Jean, allez-y. Non, merci. Je ne suis pas misogyne, moi. Xoan se dit, on est d'accord que MBS reste et tous les pilotes sautent. Non, quand même. Non, mais il est sûr de rester, lui. Oui, lui, par contre, il est sûr de rester puisqu'il est... impossible de se présenter contre lui, donc comme ça c'est réglé. C'est jamais vu quand même. Ouais. Mais bon, ça a été confirmé par la. Ouais, si, au Groland, c'est seul le président à la droite. C'est trop ça. Ou en Russie. Oui. Les numéros sont bloqués pendant 2 ou 3 ans. Villeneuve avait dit 3 et Franck vient de dire 2. C'est 2 ans c'est après. Ouais. En fait, le pilote s'arrête. Il y a 2 ans où le numéro n'est pas prenable et la 3e année, il est prenable. Donc. 2 ans révolus, sauf que Ricciardo avait fait quelques petits grands prix pendant la saison 2024. Mmh. Ce qui fait qu'il n'y aura que 18 mois, je crois, avant le début. Voilà. Donc il n'y aura pas 24 mois. Mais surtout qu'il s'est arrêté à Singapour. C'est ça. 2024. Donc ça fera 18 mois entre Singapour 2024 et Melbourne 2026. Et logiquement, c'est pas assez pour que Verstappen. Enfin, en tout cas, qu'un nouveau pilote arrive et prenne le numéro de Ricciardo, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, ça pourrait se faire qu'avec une dérogation. Voilà. Par contre, si un nouveau pilote arrive en 2000, si Verstappen n'a pas ses dérogations et qu'un nouveau pilote arrive en 2027, il peut choisir le numéro 3 et le prendre du coup au nez à la barbe de, oui, de Verstappen. S'il n'y a pas de changement de règlement, évidemment. Ce sera Lindblad. Ah non, Lindblad, il y aura déjà, je suis con, il a déjà choisi. Lindblad, il a le 40, oui, le 41, ça ressemble à ses initiales, à ouais. L41. Voilà. Bah, en fait, ça sera un mix de Lando Norris, parce que le KL4, il a le 1. Ouais, c'est ça. Ça sera un petit peu le. Mm. Voilà, celui qui portera les deux numéros de Norris en même temps. Le compatriote. Exactement. Et donc, on va parler évidemment de Red Bull. On a déjà commencé, hein, puisque comme vous pouvez vous en douter, ça, tout était imbriqué entre les pilotes McLaren et Verstappen, nos trois candidats à la couronne et nos trois podiumistes, je dirais. Verstappen, donc, qui gagne sa 71e course en carrière. Hein, quand même un bel accomplissement. Deuxième du championnat. Tsunoda termine 14e après une course. Bon, on a reparlé déjà un petit peu de sa manœuvre. Moi, j'ai trouvé. Le sacrifice déjà en qualification. Oui, déjà sacrifié. Il allait jusqu'en Q3, ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que c'était pas forcément le cas récemment. Ça ne savait pas grand chose après, sinon. Et effectivement, il n'a pas fait de tour. Il a donné l'inspiration à Verstappen. Plus ou moins bien, mais il a réussi. Et puis, en course, il y a eu cette manœuvre. Ouais, effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai trouvé abject. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas des sanctions plus lourdes. Déjà, un, parce que quand Schumacher avait fait ça, il avait pris l'équivalent d'un drive-through à l'époque. Mmh. Hamilton aussi, je crois, l'avait fait une fois, il avait pris un drive-through. Et la deuxième chose, c'est que c'est trop facile. Et ça, j'aime pas ce que fait Red Bull, c'est qu'à chaque fois, c'est quand même limite. C'est-à-dire que là, ils ont clairement un pilote. Parce que c'est bien beau de dire oui, Tsunoda a dit laissez-moi faire et tout ça, mais en fait ils lui ont bourré la tête pendant les tours d'avant en lui disant Norris revient, fais tout ce que t'as à faire et tout ça. Et moi, pour moi, c'est une vraie incitation à faire n'importe quoi. Alors, franchement, heureusement que Norris a bien réagi et voilà. Mais il a vraiment pas défendu là où il fallait en fait. En plus, non. C'est pas là-dessus qu'il faut défendre. C'est sur des virages, sur des zones lentes. C'est pas du tout en ligne droite. C'est absurde, c'est même pas, en tout cas oui je sais ce que j'ai à faire, bah non apparemment c'est pas du tout ce que t'as à faire, ce qu'Alex a dit tout à l'heure, c'est jamais de la vie tu te mets en... On est passé à 5 cm du scandale de la décennie, hein. Ah oui, c'est clair. Deuxième scandale de la décennie. Ouais, je pense que alors je pense quand même que celui-ci, je le placerai devant au bout de début 2021. Pour le coup. Ah oui. Clairement, là, c'est quand même un pilote qui sort un autre pour son équipier. Mais ouais, mais oui. Puis on a eu Lawson, hein. Faut pas oublier Lawson. Hein. Ouais. Ah oui, c'était moins scandaleux. Lawson, c'était propre. Hein. Bah, ils auraient dû mettre Lawson dans la Red Bull. Je pense qu'ils auraient fait pour le dernier Grand Prix. Là, pour le coup, on a fait un meilleur boulot. J'ai passé la moitié de l'année à dire qu'ils auraient dû le laisser dedans, quitte à l'avoir mis au départ. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais effectivement, c'était vraiment dégueu de la part de Tsunoda. Je pense que malheureusement, il a aussi le mental d'un pilote qui vient de se faire éjecter. Hein. C'est pas facile non plus. Il a perdu sa place quand même de titulaire en Formule 1. C'est pas simple. Mais effectivement, je pense qu'il n'a pas regardé du tout ce que Perez avait fait, parce que Perez, il ne faut pas oublier qu'il avait réussi à faire perdre 9 secondes à Hamilton sur un tour en 2021. Il a plutôt regardé les mèmes de Kamikaze sur Instagram et sur Facebook qui traînaient de lui, en le voyant dans un chasseur japonais à viser une seule cible. Je pense que c'est ça qu'il avait dû regarder, il n'a pas dû regarder le briefing de Red Bull. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns. Oui, Théo, Lando n'est pas sur piste, mais tu veux qu'il aille où? Il réagit à 320, un mec qui vient de faire trois changements de direction et qu'il fout dehors. Tsunoda fait deux infractions au code sportif international, parce qu'en fait, là, on est en ligne droite, donc toutes les directives que j'appelle les directives Verstappen, elles ne s'appliquent pas. On est en ligne droite. En ligne droite, tu as deux règles. La première, c'est pas de zigzag, c'est un changement de trajectoire et pas deux. Et la deuxième, c'est on laisse la place à une voiture à côté de soi. À partir du moment où il y a une attaque qui est faite, on laisse la place à l'autre de passer. C'est comme ça. Certains diront oui, mais s'il n'y a pas d'écart, machin. Non, non, il faut laisser la place. Et Tsunoda fait deux infractions. Donc c'était logique. Norris ne fait que réagir. Et en fait, quand il attaque sa manœuvre, il a la place de passer. C'est pour ça qu'il y va. Et encore une fois, il sera 320, donc il ne peut pas piler en ligne droite. Ça ne se fait pas. Tu ne piles pas dans une ligne droite, c'est dangereux. Donc, non, il a totalement. Tu finis tes pneus, Au mieux, tu finis tes pneus. Oui, au mieux, tu finis tes pneus. Au pire, tu perds le contrôle, tu vas t'écraser. Au pire, tu te fais percuter par un mec qui arrive derrière. Encore une fois, alors c'était sous la pluie, mais Piastri a pris une pénalité pour avoir freiné trop fort dans une ligne droite. Et Verstappen avait pris une à Abu Dhabi, à Jeddah 2021. Donc, non, tu peux pas piler en ligne droite, ça se fait pas. On n'a pas appris à soulever la défense, c'est tout. Et les Après, c'est sûr que le tracé de 2025 est quand même moins facile que celui Oui, d'avant d'avant. 2021, Oui, quand il y avait clairement. plusieurs chicanes, là où tu pouvais vraiment jouer vraiment. Bon, déjà, 2021, Pérez avait su le faire, parce qu'il y avait déjà effectivement cette grande boucle à la place de la deuxième chicane, ce que moi je n'aime pas, hein. Je n'aime pas du tout cette version du circuit, parce que je trouve qu'il y a moins de possibilités de Alors, dépassement. Bon, ça, 2021, c'est la première année avec ce tracé-là. oui, c'est ça. Et pourtant, Pérez arrive facilement à faire perdre 8-9 secondes à Hamilton, parce qu'il la joue de manière intelligente. Là, il essaie de faire un truc, là, il faut pas le faire, quoi. Là, sur la ligne droite, évidemment, tu te rends pas vulnérable, tu joues ta carte normalement, mais par contre, dans le secteur de l'hôtel, là, effectivement, bah, voilà, t'es beaucoup plus lent. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, ouais, enfin, au final, il aurait pu faire les choses mieux, de toute façon. Et c'est vrai que Harry Ford nous dit il y a des directives de pilotage qui existent, mais les directives de pilotage, elles ont aucun, elles prennent pas en compte les lignes droites. Et en ligne droite, donc, c'est le code sportif et les règlements qui comptent. Donc voilà, Tsunoda fait vraiment n'importe quoi et pénaliser Norris là-dessus, ça aurait été quand même assez grotesque. Voilà. Et encore une fois, Pérez avait fait des trucs qui étaient limites. Moi, j'avais pas apprécié le voir parce que je trouvais pas ça beau à voir, mais après, c'était limite, mais c'était pas un problème, réglementaire ce qu'il avait fait sur Hamilton en fait. Donc, alors Smack Laren, c'est son pseudo, me poste le premier message dans le chat et dit: Marco a dit espérer qu'Adjar remplisse mieux son rôle que Tsunoda l'an prochain. Y a-t-il un département zigzag brake test dans la filière Red Bull? Alors bienvenue à toi. Non, il n'y a pas de département comme ça, mais effectivement, mieux remplir son rôle serait certainement réussir à mieux bloquer un pilote et pas juste tenter de le foutre en l'air. Ça, c'est clair et net. Non, mais c'est vrai qu'en 2021, au-delà de Abu Dhabi, Pérez avait déjà joué le ministre de la Défense plusieurs fois, parce qu'il avait il avait déjà été loué pour ça, notamment à Sochi, notamment à Imola, je crois, et notamment en Turquie, il me semble. Maintenant, juste projetons-nous, j'avais 2-3 minutes dans un univers parallèle où Tsunoda sort Norris et Verstappen est titré grâce à ça. Ouf, Comment ça. on juge ça derrière? Et ben le problème qu'il y a eu, c'est qu'on ne peut pas pénaliser Verstappen. Clairement. Est-ce qu'on peut pénaliser l'équipe et du coup. Non. Bah tu peux pas pénaliser. Tu peux pénaliser l'équipe pour la préméditation, mais sur une base réglementaire, il n'y a rien. Tu disqualifies du championnat? Tu fais quoi? Tu peux, mais tu disqualifies Antisportif. Tsunoda du championnat, pas Verstappen. Ouais, non mais Ouais. elle, c'était dans le marat, hein. Ah Ça non, peut mais si dire. ça arrivait, c'était le. Oui, c'était au moins le scandale du siècle. Pour moi, ça reste Abu Ou alors Dhabi t'as 2021 par une principe, enquête parce que il ouverte. y a la FIA qui intervient, mais ça aurait été pire que Oui, mais la FIA, Adélaïde c'était pas 94. volontaire en 2021. Non, c'était pas volontaire, mais c'est quand même la FIA Là, qui quand même, décide on qui parle de tient un problème. prémédiation, quand même. Là, le truc, c'est que Effectivement. ça aurait été pour moi pire que GRS 94, Adélaïde 94, parce qu'Adélaïde 94, si la FIA avait fait son taf, Schumacher était exclu, il était champion, il est terminé. Là, tu peux pas corriger le Oui. tort qui aurait été fait. Oui, tu reviens à du Singapour 2008, quasiment, quoi. Ouais, c'est ça. Tu Oui, peux enlever mais la victoire à Alonso. c'est vrai. Mais du coup, putain, ça aurait donné du grain à moudre à Massa, il aurait encore ouvert sa gueule. Donc, Bah, je pense qu'on sera arrivé aux essais de Barcelone en fin janvier, on est encore sur l'affaire, hein, je pense. ah bah c'est sûr. Oui, parce que je pense qu'il y aurait eu des plaintes, à mon avis, qui auraient dépassé le cadre du sportif. C'est jamais arrivé ça en F1. Enfin, moi, je pense un tel dénouement qu'un pilote devienne champion parce que son équipier sort son adversaire. Je ne me souviens de Ah ça. non, à part peut-être au Japon, à part ça, non. Là, au Japon, justement, ils sortent l'un et l'autre, mais. On n'est pas passé loin d'un précédent quand même là. Ouais. Non, mais sur le coup, c'est vrai que sur le coup, on n'a pas trop réagi parce qu'on était tous encore dans la ligne, mais c'est effectivement. Norris partait en toupie ou n'importe quoi, c'était quand même hyper sale là où il est passé. Hein. C'était hyper sale. Et puis les rails n'étaient pas très très loin. Hein. Comme tu l'as dit, Alex, bon, 5 cm, je pense qu'il exagère un petit peu, mais il y a un peu plus que ça. Mais c'est hyper. Voilà, ni ce n'est sale, c'est des débris, c'est des cailloux, c'est tout ce que tu veux qui peut te crever les pneus, c'est tout ce que tu veux. Derrière, si Norris, même peut-être même pas un crash, mais juste il crève en passant Ouais, dans cette partie sale. j'ai pensé ça. C'est foutu pour lui. Et là, ouais, effectivement, ouais, super grosse polémique, je pense, du jamais vu en Ouais, F1, c'est. quoi. Après, en fait, tu peux même pas blâmer Red Bull parce qu'ils demandent pas à Tsunoda de faire un truc illégal. Ils lui disent, fais tout ce que tu peux. Donc, dans les mots, alors certes, il le chauffe, hein. Et le lendemain, t'as un communiqué de Tsunoda Wow, restera l'équipier de Verstappen. Il a finalement un salaire de 15 millions à l'année. C'est aussi arrivé parce que Norris est sorti derrière Tsunoda après son premier arrêt, hein, c'est aussi arrivé parce que le rythme de Norris était bof, je trouve. Parce que quoi? Parce que le rythme de Norris n'était pas terrible quand même. Oui, aussi, mais aussi parce qu'il a été obligé de réagir à. Mais bon, après, ça, de toute façon, c'est des trucs que si jamais, ça, dans l'univers parallèle que dit Franck, si jamais ça arrive, tu peux pas prendre en compte les consignes de Red Bull, tu peux pas prendre en compte l'arrêt de Norris, tu peux pas prendre en compte le rythme, tu peux prendre en compte le fait qu'il y a eu un énorme préjudice qui est impossible à corriger, parce que tu vas pas non plus enlever un titre à Verstappen pour une connerie qui a fait Tsunoda, tu vois. Donc, Bah non. Ouais, je rappelle juste que après, Stranger Things, dernière saison, est sorti et que le monde parallèle était pas loin. De quoi? Stranger Things saison 5 est sortie, le monde parallèle n'était pas loin. Et puis, et puis même pour Tsunoda, hein, Tsunoda, il serait devenu mais alors, totalement radioactif aussi, je pense. Mmh. Ah oui. Personne ne grappe pas. Je pense que Red Bull l'aurait viré. Histoire de sauver la face. Oui, sûrement. Ça les aurait arrangés, mais je pense qu'il l'aurait viré. Enfin, il n'aurait pas gardé comme réserviste pour 2026. Ça aurait été un beau paquet de merde pour la F1 parce que vraiment, il n'y avait aucune chance d'en sortir. Personne n'en sortait gagnant en fait de ça. Sauf même Red Bull, parce que le titre de Verstappen aurait été vu comme sale, même si c'était pas sa faute à lui. Donc, comme en 2021. C'est pas de sa faute à lui non plus. Oui, mais en 2021. En 2021... Ah, ne lance pas Manu, s'il te plaît. Non, mais justement. Ah, on est obligé. Oui, c'est contractuel, Alex, rappelle-toi. En 2021, justement, moi, j'ai jamais reproché ça à Verstappen. Lui, il profite d'une faille, mais voilà. Là. Ah non, c'est vrai, je lui ai reproché un paquet d'autres trucs en 2021, mais pas ça. Ah, ne reparlons pas du Brésil. Plutôt de Jeddah, je trouve, il fait des trucs. Jeddah, c'est vrai aussi. Mais, non, mais bon, heureusement, c'est pas arrivé. Hein, parce oui, que... heureusement, mais bon. Heureusement, mais bon, franchement, j'ai tremblé. Alors, sauf peut-être pour les audiences. Dommage de ne pas arriver. Parce que alors là... Ah bah là, ça faisait du trafic, ouais. John Smith dit, j'imagine Manu à 80 ans. Oui, mais en 2021. Peut-être. Oui, mais à 80 ans, il aura fêté son deuxième doublé, McLaren. Troisième. Pardon. Bah, est-ce que 2057, j'aurais. Ça sera un peu le Fittipaldi. Oui, mais en 74. Oh là là, c'est terrible. En tout cas, c'est la Michael Schumacher. Garde, reste le seul voilà, à avoir ses 5 titres consécutifs. Mmh. Oui. Contrairement à ce qu'a dit Canal+, quand disait que... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont oublié Schumacher qui avait fait 5 titres de suite. Il a dit, est-ce que Verstappen sera le premier à faire 5 titres de suite? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah oui, bon après... Jules de Ramble, hein, reste à... Sur Sky Sports, David Croft a dit qu'Oscar Piastri pouvait devenir le premier champion du monde australien. Aïe, aïe, aïe, aïe. Ce qui n'est pas très sympa pour Alan Jones, même si on est d'accord. Même si on est d'accord pour dire qu'Alan Jones... Il n'est quand même pas le plus grand champion de l'histoire de la Formule 1, on est d'accord. Mmh. Mais bon, le premier. Non, bon, ouais. Le 5 dessus de Schumacher, c'est pas si éloigné que ça dans l'histoire, quoi, j'ai envie de dire. Ah, puis il y a eu le titre de Weber en 2010. Non, ça... Ah non, pardon. Oui, ça n'a même pas été corrigé. Ça n'a même pas été corrigé à l'antenne par Febro ou autre. Ouais, derrière, quoi. Ils ont laissé passer ça comme une lettre à la poste. Quoi. Et apparemment, ils ne savaient pas non plus qu'ils ne pouvaient pas zigzaguer en ligne droite. Mais ça, c'est un peu. Et Jack Brabham, effectivement. Oui, Brabham avant lui en plus. Deux Brabham. Donc mais bon, en tout cas, voilà. La voiture J'ai une Brabham de 67 en miniature, ouais. C'est oui, bien sûr. Oui. Mais non, 67, c'est l'équipe qui est championne, pas lui. Lui, on a eu 3 en plus, si je ne sais pas connerie. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà. Donc, bon, heureusement, on a. On non, a... Abu Dhabi 2021. Oui, le sujet, c'est donc la FIA et Michael Masi. Non, n'empêche que Hamilton était qualifié 16e, comme Latifi 16e. Je pense qu'il y avait des choses, tu vois, qui pouvaient se mettre en place. Mais bon, finalement. Ah. Oui, c'est 3 titres 59, 60 et 66. Brabham. En tout cas, pour une fois, Red Bull aura été prise totalement en dépourvu par la stratégie de McLaren au moins une fois dans la saison. C'est ça. Donc, d'où l'utilité d'avoir deux voitures, hein, quand même. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que, parce qu'on était sur Tsunoda justement, c'est là il a fait clairement défaut à l'avant par rapport à ce qu'avait fait justement Perez en 2021. C'est que, et je reviens pas sur 2021, c'est vraiment parce qu'à l'époque ils avaient pu compter sur la deuxième voiture pour justement avoir autre chose que simplement de l'aspiration en qualif et une tentative de meurtre en course. Il y avait une vraie stratégie. Là, au final, ça. Tu fais direct. Bah non, mais c'était. J'exagère un peu, mais bon. Là, au final, ça a été. Je te corrige, Manu, c'est quand c'est prémédité, c'est un assassinat. Pardon, excuse-moi. Merci pour ta justesse lexicale. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était assez compliqué pour Red Bull cette année. Et globalement, effectivement, hein, Verstappen tout seul, il est troisième du championnat constructeur. Bon, en 2023, je crois qu'il était champion du monde constructeur à lui tout seul. Donc voilà. Et alors, justement, Laurent Mekies, ça parlait de ça aussi parce que effectivement, il a dit. Et là, on voit qu'il y avait quand même une négligence de la part de Red Bull. Il a dit, la voiture a toujours été compliquée à mettre dans la fenêtre et les pilotes ont eu du mal à ça et on va repartir sur des bases à zéro et on va essayer d'éviter ça. Donc c'est un peu c'est rassurant pour Isaac Hadjar aussi. Et on voit que justement, bah, ça montre quand même que Red Bull, à partir du moment où la voiture convenait à Verstappen, ne faisait pas d'effort pour qu'elle convienne à un autre pilote. Stratégie gagnante tant que le pilote numéro 1 survole avec sa voiture. On a vu que quand il y a besoin d'un équipier, ben là ça coûte aussi des points, hein, parce que c'est pas la seule fois cette année où Verstappen se fait. En début d'année, il y a eu plusieurs fois où Verstappen se fait avoir par les stratégies McLaren, où il est bloqué. J'ai revu un peu des résumés de course, justement, je le disais. Il y a plusieurs fois où il a été coincé par les McLaren en étant dépassé par l'une ou par l'autre. Et voilà, et bon, bah, Tsunoda, globalement, je pense que ça conclut une saison quand même assez catastrophique. Hein. Même si, même malgré les problèmes de Red Bull avec cette deuxième voiture, ça a été quand même très compliqué. Après, Marc, il était quand même, en termes de dixième pur, il n'était pas non plus ultra largué. Hein. En fin de saison, c'était mieux en termes d'écart pur, ouais, c'est vrai. Ouais, c'était pas catastrophique, mais c'était quand même très décevant. Ouais, c'est ça. Bon, il restera comme réserviste, en tout cas. Mais c'est génial. D'ailleurs, il est ravi. Oh bah, il va faire la mesure publique, hein, clairement. Hein, ouais. Quand on sait déjà qu'il est un petit peu ce rôle-là. Pour Red Bull, c'est bien parce qu'avoir un réserviste aussi frais que lui en termes de pilotage, c'est très bien. Évidemment. Oui, et puis il connaît bien la maison, hein, il connaît bien les deux équipes en plus. C'est ça. Il n'y a même pas photo, quoi. Ouais. Puis bon, voilà, c'est Honda qui, du coup, fera un petit rabais sur les moteurs pour les anciennes F1 à faire tester, puisqu'ils ont quand même besoin d'anciennes F1 pour tester leurs jeunes pilotes, hein, si de temps en temps. Donc. Il a droit à 20 jours d'essai par an sur des anciennes les F1 dites TPC, et tant qu'on ne sera pas en 2028, ben Red Bull sera tributaire de Honda pour ses anciennes F1. Donc, donc ça fait quand même quelques. Ouais, je crois que le prix serait entre 15 et 25 millions selon les constructeurs. Voilà. Et, parce que voilà, le prix est libre, hein, de fourniture du moteur. Et là, ce serait ramené du coup à 15 et pas à, 20, et pas à 25. Ouais. Voilà. Donc oui, quand même un bel avantage. Alors Games from Jurassic nous dit, sur cette course, je ne vois pas l'influence que Piastri a eue sur la stratégie de Verstappen. Il a gagné, il aurait plutôt tenté d'essayer de bouchonner. Non, justement, on en a parlé en début d'émission, c'est que le fait que Piastri ait les pneus durs lui permettait d'attaquer sans arrêt et de fatiguer un peu Verstappen et l'obliger à attaquer pour rester devant. Parce que si Verstappen essayait de ralentir et que Piastri finissait par avoir des pneus plus performants et le dépassait, ce qui serait arrivé puisqu'on a vu que les médiums se fatiguaient plus vite, Verstappen n'était pas champion, puisqu'à partir du moment où Piastri était devant lui, Verstappen était automatiquement troisième du championnat. Et si Norris restait sur le podium. Donc dans tous les cas, il avait l'obligation de foncer devant. Donc clairement, l'avantage d'avoir les deux voitures avec deux composés de pneus a été vraiment important. Très beaucoup stratégique. Coup de génie, j'appelais ça, moi. Oui. Ça a d'ailleurs fait un carton, cet article. Je vous remercie. Non, c'est vrai. Hein. Ça, ouais. C'est l'article de la journée. Hein. C'est en même temps, il était super intéressant. Beaucoup. Oui, tu vois que ouais, c'était bien joué de la part de McLaren. Il fallait se rattraper après le foirage total du Qatar. Et franchement, c'était très bien. Ils avaient attendu le bon moment. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc pour Red Bull, j'ai vu que les gens parlaient de. C'était étonnant de voir Giampiero Lambiase effondré sur le muret des stands. Il n'était pas effondré que pour la perte du titre, et même pas pour ça. C'est qu'a priori, Franck, il y aura des changements chez Red Bull l'an prochain. Je te laisse. Oui, alors Helmut Marko, on va dire quasiment écarté à 99,99%. Il y a Telegraph et Bild qui disent qu'aujourd'hui, qu'en fait, la décision avait déjà été prise. C'est plus ou moins ce qu'on a senti un petit peu dans les propos, on va dire, très. Sympathique de Mekies et de Marco sur cette partie. Une organisation doit se restructurer, évoluer pour l'avenir et tout. Mais bon, là, la Minslaf a confirmé apparemment que Helmut Marko ne serait plus du tout dans l'organisationnel de l'équipe. Il resterait peut-être sur un petit rôle de côté de Grasse en Autriche. Voilà, peut-être aider encore sur les jeunes pilotes ou d'autres choses, mais il n'aurait plus du tout le rôle de consultant des deux équipes. Clairement, donc là, c'est à lui de réfléchir un peu cet hiver s'il a envie de rester un petit peu dans le giron Red Bull ou de s'en retirer totalement. Mais voilà, clairement, par contre, vous le verrez pas avec le même rôle l'an prochain. Pour Giampiero Lambiase, c'est quand même un peu plus flou pour l'instant. La seule chose, c'est qu'apparemment, il a vécu quelque chose de personnel, mais personne ne sait quoi, en tout cas. J'ai vu en tout cas rien sortir dans aucun média sur voilà, puisqu'il y a eu deux grands prix cette année où il était remplacé par Simon Rennie. Voilà, des choses un peu plus personnelles qui l'obligeraient à avoir un autre poste, soit plus basé à l'usine, soit toujours dans l'équipe de course, mais à un niveau plus élevé, et donc plus par contre en tant qu'ingénieur de course de Verstappen. Donc Max n'a pas voulu en dire beaucoup, hein. On lui a demandé de réagir à l'émotion de l'ambiance, parce que tout le monde pensait effectivement qu'à ce moment-là, c'était par rapport à la perte du titre. Mais en fait, effectivement, c'est apparemment peut-être c'est leur dernière collaboration, en fait, tous les deux en direct. Donc c'est peut-être aussi ça, voilà, qui forcément a fait l'émotion derrière. Donc, Et Red Bull, c'est clairement une page qui se tourne, hein, sans Horner, sans Marco. Hein. Ouais. Finalement, les deux sont partis à quelques courts intervalles. Donc Lambiasé, effectivement, on ne sait pas quel rôle il aura, mais a priori, il n'y a pas de départ de l'équipe. Hein. En tout cas, c'est pas du tout ce qui est pour l'instant, en tout cas, ce qui est annoncé. Mais voilà, il y a des raisons personnelles qui l'obligent à changer de poste, peut-être même, voilà, ou d'environnement de travail directement chez Red Bull. Et voilà, donc on peut tout à fait imaginer qu'il a peut-être des impératifs personnels, voilà, familiaux, qui l'obligent à rester plus souvent en Angleterre, et donc à lui prendre un autre rôle. Voilà, donc on espère que, évidemment, tout ira bien pour lui et là où les personnes concernées dans son entourage. En tout cas, on m'aura annoncé la dernière course avant le règlement de 2026 que Lambiasé et Marco partent. Je me suis dit, mais Verstappen va faire une Rosberg. Ouais. Non, apparemment non, mais bon. C'est concerté, je pense. Ouais. C'est vrai sans Marco et sans Lambiasé, c'est quand même deux éléments, en tout cas sans Lambiasé à ce poste. Et j'espère que Red Bull ne vont pas se rater sur le moteur. Ouais, puis même pour nous, ça fait un gros choc parce que sans Marco l'année prochaine dans nos news, qui va nous faire nos titres il sera consultant libre et encore plus déchaîné. Ah, bah, je vais essayer de le signer en tant que chroniqueur pour le site. Il pourra plus écrire pour Speedweek puisque Speedweek c'est le magazine interne de Red Bull. Ah, il aura du temps libre en plus. On lui demande d'écrire pour Next Gen Auto. Ah bah, l'avantage, c'est qu'on serait cité partout, hein, du coup. Ouais, mais le désavantage, c'est qu'on sera interdit de publication. Ah, on a le droit de filtrer, on est pas, c'est nous qui avons la main mise sur les changera quelques mots. Voilà. On fera un duo, Marco, Jean, allez-y. Voilà. Oh. Je ne sais pas si je vais écrire pour ce site. On aura au moins un œil avisé dans tout ça. Ah, si c'est contractuel, j'ai l'impression. Bah oui. Oui, bah oui. Partie du package. Et pourquoi pas Gunther Steiner? Parce qu'après, le site explose au Tago. Du coup, il y a Harry Ford qui demande, ça pourrait influencer l'avenir de Verstappen vu les liens qu'il a avec Marco au-delà de 2026. Alors, effectivement, c'est vrai que là, pour Verstappen, ça fait beaucoup parce que le départ d'Horner, on sait que ils étaient plus trop en bonne entente, mais il y avait quand même un passé positif entre eux. Marco, c'était clairement la personne qui avait beaucoup d'influence sur lui en interne. Lambiasé, c'est celui avec lequel il passait le plus de temps sur ses week-ends. On le voyait très souvent avec, même en discussion et tout. Et effectivement, Verstappen va devoir se réinventer en interne et potentiellement réinventer sa relation à l'équipe, parce que c'est vrai que là, il avait quand même, en fait, tous ces points de confort, on va dire, qui partent ou qui sont, parce qu'il a aussi perdu un de ses principaux mécanos. Il y a eu Jonathan Whitley qui est parti, il y a eu voilà, donc ça fait quand même beaucoup de points. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce qu'il y a? On va lui envoyer Ricardo Adani à Max Verstappen. Il va le découper en deux courses. Il va partir en psychiatrie, le pauvre. Attends, voilà, et c'est clair qu'il va. Alors autant Leclerc, j'ai vu que en regardant le début de saison, là, Leclerc était assez insolent avec Ryan Bozzi, autant Hamilton a un petit peu renvoyé chez Adami, mais je pense que les deux, ils auraient pas, Verstappen, ils auraient pas passé la saison, clairement. Ah non, je pense pas qu'ils aient passé deux courses même. Ah ouais, non, c'est clair. Ok, copy. Il y a Yak qui demande, ça fait penser à Guillaume Roclin, il est toujours chez Red Bull. Bah oui, je crois. Hein. Oui, il s'occupe des jeunes, je crois. Ouais, c'est, il s'occupe de la filière. Donc, ouais, c'était. J'ai revu la séquence où Vettel est champion, où il appelle Sunshine et il dit Just Wave Sunshine avant qu'il sache quoi, ça m'a fait rire. Voilà, mais en tout cas, toi, Alex, qu'est-ce que tu penses de tous ces départs? Est-ce que tu penses que Verstappen aussi va pourrait être un peu fragilisé par tout ça? Ou est-ce que tu penses qu'il n'a pas besoin de. Si le règlement 2026 le dégoûte et que Red Bull est largué, il va se poser la question, mais il a toujours dit, hein. Il ne retient pas un pilote contre son gré, hein, même si son contrat, etc. Ouais, bof, on ne retient pas un pilote contre son gré. Donc, le problème, c'est que Red Bull s'en trouverait bien démuni. Hein. Sans moteur, sans pilote. Sans, je veux dire, sans pilote star. Oui, bien sûr. Mais pas, c'est pas Euh, c'est difficile. C'est l'occasion d'aller chercher Piastri. Bah oui. Leclerc. Ou Leclerc, ouais. Parce que Leclerc, clairement, on a senti que c'est 2026, c'est Ouais. l'année ou Bon, on va en jamais. parler juste après. Ouais, C'est quand effectivement. Ferrari, c'est maintenant? Eh ben oui! C'est Alors, je passé. tiens du coup à préciser que mon t-shirt noir, c'est pas pour l'œil de pour Ferrari, c'est juste pour être dans les couleurs un peu de McLaren, qui d'ailleurs était en combinaison noire ce week-end. Exactement. Mais effectivement, Leclerc termine quatrième, Hamilton huitième après une nouvelle élimination en Q1. Donc une belle course de la part de Lewis. Mais globalement, on a senti beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue mentale dans les deux cas. Hamilton a dit qu'il voulait disparaître. Leclerc a dit qu'il voulait plus, il voulait plus C'est penser à pas de cette saison. l'équipe. Leclerc a dit qu'il voulait plus penser à 2025 et que 2026, c'était maintenant ou jamais. Donc clairement, Franck, je pense qu'il y a un petit peu de tension, même si bon, tout le monde est OK à soutenir le projet tel qu'il est, les décisions prises et tout ça. Vasseur en a beaucoup parlé sur Canal hier aussi, on a pas mal relayé les propos, mais malgré tout, on sent quand même que là, cette fin de saison, elle a pesé sur le moral de l'équipe. Oui, d'ailleurs, je suis très content que tu en parles, là, parce qu'en fait, cette super transfert de Lewis Hamilton, on va en fait. Intéressant de voir ce que 2026 va donner avec Lewis et Charles dans l'équipe. Moi, je suis très impatient de voir monoplace 2026. Ah merde, il y a 2025 parce qu'avant. Alors oui, on avait dit que les Non, 2026 j'ai on en oublié parlait. cette année. Je sais pas ce qui s'est passé cette année. J'ai zappé. Je sais pas. Oui, bah Non, non, bah, Hamilton clairement. fera Non, ses débuts chez Ferrari l'an prochain. pour la blague, cette année, elle est clairement à oublier chez Ferrari. Je pense que pour tous les fans de la Scuderia, c'est à oublier. Je veux dire, même les Tifosi eux-mêmes se sont moqués de leur équipe comme jamais ils se sont moqués de leur équipe ces derniers temps, quoi. Je veux dire. Ils étaient même pas en colère, j'ai l'impression. Non, j'étais blasé, frustré, même moi je me moquais aussi de ce qui se passait parce que voilà, Et à certes. part ça, c'est pas le deuil, hein. C'est... Non, non, t'as passé le stade depuis longtemps en fait, t'étais déjà dans Là, il y a l'acceptation maintenant. l'acceptation, tu vois, t'as passé voilà, toute cette phase-là en disant bon, ok, c'est foutu pour foutu, t'arrêtes ta voiture en avril. Voilà, certes, je pense que c'est un bon choix aussi, parce que, comme il a dit, voilà, c'est l'expression de Manu, c'est un très tôt, c'est un très tôt. Et quand ils se sont rendus compte que McLaren serait irrattrapable, autant concentrer ses billes sur l'année prochaine. Maintenant, effectivement, se retrouver aussi loin dans le classement. Alors, quand même, j'ai envie de dire un petit sursaut quand même, en termes de performance et de voilà sur ce dernier Grand Prix avec un très très bon Charles Leclerc qui met la pression sur une McLaren. Je crois pas que c'était vraiment attendu non plus, Non. Avec des bonnes performances aussi sur les essais et les qualifs. Donc c'était pas si loin que ça. Après voilà, Yasparina c'est un billard, ça gomme beaucoup de défauts des monoplaces, notamment ceux de la suspension. Et on sait que la suspension de Ferrari c'est pas leur point fort. Donc c'est aussi un peu pour ça que je pense que la Ferrari est un peu plus proche. Maintenant voilà c'est une toute petite parenthèse enchantée sur une saison qui est vraiment dégueulasse. Hein. J'ai pas d'autre mot que ça, en fait. Une saison dégueulasse avec une double disqualification en Chine voilà, qui restera un petit peu le truc un peu amer, le zéro victoire, évidemment, de la Scuderia. Première fois depuis 2021. C'est beaucoup, c'est pas de podium pour Hamilton. Voilà. Alors que comme Leclerc en a quand même fait 7. Voilà, Leclerc en a quand même fait 7. Donc je retiens quand même que Hamilton est un peu en perte de vitesse quand même aussi. Ça me fait un peu plus, ça m'inquiète un peu plus. Je sais pas ce que je veux dire, que le seul truc qui m'inquiète un peu plus, voilà, c'est ça, avant de te laisser la parole juste Alex, c'est le fait que Hamilton il est vraiment. C'est un peu démotivé, découragé, j'ai l'impression, en fin de saison. Il était au bout du Au point de rouleau. faire 3 Q1, se louper sur 3 Q1 de suite, c'est quand même. Alors certes, en course, il fait des choses sympas, il fait une bonne stratégie en plus pour remonter. Mais c'est plus ça qui m'inquiète. Si la voiture 2026, elle démarre bien, on retrouvera le Hamilton des grands jours et motivé et tout. Si ça démarre moyennement, j'ai un peu peur qu'il lâche vite l'affaire. 41 ans, bon, évidemment, Alonso nous prouve que c'est toujours possible, mais Alonso n'a pas vraiment de référence. Et Leclerc, c'est clairement une référence. Hamilton, c'est le premier pilote, la première recrue, un nouveau pilote chez Ferrari, si on exclut Badoer, Fisichella, etc., a terminé la saison sans podium depuis donc 44 ans. C'est très, très lourd comme addition. Après, alors, je ne vais pas sauver la saison d'Hamilton, mais il a fait un sprint exceptionnel en Chine. Voilà, c'est tout. Merci. Ah, le c'est tout, il était tellement violent. Non, mais c'est ça, oui. Le pire, c'est c'est qu'en début de saison, en perf pur, il était au niveau de Leclerc. Ouais, en Chine, je me suis dit, mais incroyable, il est déjà là, quoi. Ouais. Et même à Melbourne, hein. Melbourne, il fait Après, partie ouais, des courses devant Leclerc. Hein. La disqualification, bah, Est-ce que ça ne peut pas être une bonne nouvelle dans le sens où ça a poussé Ferrari à mettre de côté la voiture 2025 et à tout miser sur 2026? Oui. Après, moi, je suis toujours d'avis que Vasseur n'aurait jamais dû parler, n'aurait jamais dû dire qu'on a préparé 2026 depuis très longtemps. Grosse erreur, c'est ce que maintenant tout le monde attend de lui. Ah, mais en plus, tout le Franchement, monde lui c'est reparle, hein. l'erreur à ne pas faire. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire juste pour sauver la face devant les médias pendant deux ou trois courses qui restaient. Il vient de se mettre une pression de dingue pour la saison prochaine. Oui, mais ça a été Pour salué moi, en Italie parce que la seule évolution positive de Ferrari en fin de saison, c'était le fait de ne plus voir Vasseur sourire comme un con. Comme un con, c'est vraiment le terme qui a été utilisé à la fin des Grands Prix. Pour vous dire l'ambiance dans la presse italienne. Fâche, bah, de toute oui, façon, c'est après, vrai. moi, C'est je suis Ruzzi qui est toujours vraiment. très généreux. Ah oui, c'est sorti ça. Je n'aime vraiment pas la presse italienne dans tous ses excès, mais si le projet 2026 foire, pour moi, malheureusement, Vasseur va partir. Hein. Oui, ça, on l'avait déjà tous dit, je crois. Hein. Et le premier à avoir conscience. Hein. Je pense honnêtement, bah, de toute façon, on a déjà parlé, on le disait la semaine dernière, mais je pense que si le projet 2026 foire, ce sera la révolution de Palais, comme on l'avait dit, et je pense que Et pour une fois, ouais. dans un contexte similaire, enfin, avec des résultats similaires l'an prochain, Vasseur saute, Hamilton saute, Leclerc part, clairement. Bah, pour une fois, c'est une révolution et de palais qui serait pas justifiée, chez Ouais, Fira. totalement. Et Mais on n'est pas là. moi j'ai un. Alors j'ai vu une stat qui fait mal, effectivement, que Hülkenberg a fait plus de podiums cette année que Hamilton. Et ce qui était assez improbable sur le bingo 2025, on va dire. Et surtout, moi j'ai vu une stat assez folle, c'est que sur ses 7 saisons chez Ferrari, Leclerc a 4 saisons sans victoire et 3 saisons avec victoire. Et je pense que pour un pilote de son gabarit, c'est quand même un énorme problème. Et ça montre le problème de chez Ferrari. Effectivement, moi je suis d'accord avec toi, Alex. Je pense que Alonso, tout le monde en dit du bien. Et je pense qu'il fait de très bonnes choses. Hein, encore une fois, on le verra après. C'est un acharné, il lâche rien et il finit dans le top 10 du championnat. Néanmoins, s'il avait un Leclerc à côté de lui, je pense qu'on n'en parlerait pas de la même façon. Parce que, et de même que si Hamilton avait eu Stroll avec lui cette année, on parlerait différemment d'Hamilton aussi. Là, clairement, c'est l'alignement de planètes qui font très mal. Et c'est parce que, justement, on a un Leclerc qui est, pour moi, déjà au sommet de sa carrière ou pas loin, et qui mérite de se battre pour un titre. Et je pense que quand Leclerc dit c'est maintenant ou jamais, en disant là, on doit performer en 2026, je pense vraiment que si 2026, Ferrari n'est pas au sommet. 2027, il est chez McLaren ou chez Aston. Ouais, c'est Leclerc qui l'a dit, c'est maintenant ou jamais. Il l'a dit en plus, parce qu'en plus on part pour un cycle de 4 ou 5 ans, et si on foire 2026, c'est 4 ans de galère derrière, quoi. Ouais, il a dit il laissera quelques courses au début, parce qu'il a dit, c'est, on a vu en 2022 que c'est tellement une progression rapide que tu peux avoir 2-3 mauvaises courses en début de saison, mais derrière il faut que ça embraye rapidement et que ça revienne directement au niveau. Si mi-2026, Ferrari n'est pas en position de gagner, je pense qu'il fait On sait qu'il est courtisé en plus, hein. Ah bah. Attends, Ah oui, ça c'est c'est. sûr. Aston, on dit Aston, mais on sait que Red Bull cracherait pas dessus non plus. En plus, Oui. mais qu'est-ce qu'ils se connaissent bien? S'il y avait une envie de départ d'un Piastri chez McLaren, je pense qu'il serait un des candidats. Bah Plus oui, que bah, tout le monde Fornaroli. tout le monde veut Leclerc. Bah évidemment, c'est un pilote. Enfin, je veux dire, il a Tu fais de battu. très bonne glace en plus, donc. Ouais, en plus. Non, mais il a battu Vettel, il a battu Hamilton, il a battu Sainz. Je veux dire, on lui met aucun mauvais. Enfin, il n'y a pas de mauvais pilote en F1, mais il n'a que des pilotes de pointe dans les pattes. Et à chaque fois, il les bat clairement, quoi. Donc. En tout cas, il aimerait savoir vite parce que pour son futur mariage, il ne sait pas s'il ira en Ferrari ou en Aston. Il est en Ferrari Roma, on dirait un peu une Aston. Donc. Ouais. Mais Newey aura-t-il les moyens de virer Stroll? Bon, ça, on verra après, on en parlera après d'Aston. Néanmoins, voilà, c'est vrai que bon, bah, Ferrari, globalement, c'est très très décevant cette année. Hein. Moi, je. Oui, clairement. Je pense qu'il y avait des attentes de fou. Sur le forum de Next Gen, Mais là, surtout que, encore une fois, l'an dernier à Abu Dhabi, au premier virage, ils sont champions. Hein, ouais, c'est ça. Et tu vois, sur le forum de Next Gen Auto, justement, il y avait un petit concours de prédiction, machin. Il y avait beaucoup de gens qui voyaient Ferrari champion du monde et tout ça. Et je pense qu'il y a eu une espèce d'attente posée par le fait que, un, bah justement, effectivement, ils finissent la saison quasiment comme l'équipe la plus forte. Et deux, Hamilton arrivait. Et au final, la voiture était moins bonne, Hamilton n'était pas dedans. Et en plus, Hamilton, ça s'est vraiment compliqué au fil du temps, ce qui n'a pas forcément facilité la perception extérieure, je pense. Mais ouais, c'est très très compliqué, hein, je trouve. Je sais même pas, ouais. Enfin, ils finissent quatrième du championnat, ce qui est quand même vraiment une grosse déception aussi. Et derrière puis. Verstappen. Enfin, derrière Red Bull, mais derrière Verstappen. Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça, hein. quoi. Et puis ouais, et puis en fait, il n'y a pas eu un moment dans la saison où ils étaient. Et c'est vrai que Vasseur l'a dit. Il a dit stopper le développement là où Red Bull et Mercedes ont continué, ça a eu un effet énorme sur les troupes. Alors je sais pas si c'est ça qui a fait que derrière la voiture n'était pas développée, mais en plus il avait du mal à en tirer quelque chose. Mais franchement, c'était vraiment très très compliqué. Mais moi j'ai l'impression qu'on a dit ça 24 fois cette année en fait. Enfin, il y a eu quelques week-ends un peu mieux, mais globalement. Oui, le sprint en Chine, effectivement, ça a été un peu sympa. Bon, c'est vrai qu'on a débriefé après la disqualification aussi, donc c'était pas évident. Voilà, de voir forcément du positif. C'est vrai que sur cette saison, j'ai presque aucun moyen de jouer la victoire, quoi, vraiment, de manière à la régulière. Quoi. C'était peut-être, des fois, c'est pas passé loin. Il y a eu des pôles, mais bon, c'est en course, la voiture n'était pas là, quoi, en termes de rythme. Donc. C'était très compliqué à vivre pour beaucoup de ferraristes. Hein. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont hyper déçus aujourd'hui, qui espèrent énormément du coup de 2026, qui espèrent aussi beaucoup de Hamilton, de Leclerc. On espère pour eux que la monoplace sera réussie, que le moteur sera réussi aussi. Parce que pareil, j'ai envie de dire que du côté moteur. Ah, par contre, je me méfie toujours, hein, mais il y a toujours beaucoup de rumeurs qui disent que le moteur Ferrari serait pas non plus le plus avancé des moteurs. Bon, ça, je me fais vraiment, pour le coup, je mets des gros guillemets sur rumeurs, spéculations et tout, parce que là-dessus, la presse italienne, elle aime bien rajouter et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de chiffres sur le coup qui permettraient de valider ça, mais clairement, ils ne peuvent pas se louper l'année prochaine, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est clair. C'est clair. Donc c'est vraiment, c'est compliqué chez Ferrari. Alors, ce week-end, ça a été moins compliqué chez Ferrari que le week-end d'avant. Par contre, chez Mercedes, ça a été un petit peu difficile. Médiocre, selon Wolf. Médiocre, et je trouve que le mot est parfaitement choisi parce que vraiment, ils étaient pas à un niveau catastrophique, mais c'était loin de ça. C'est loin de ça. Russell termine 5, Antonelli 15. Mauvais. Enfin, pas de. Ils n'ont pas réussi à tirer parti d'un circuit qui normalement aurait pu favoriser un petit peu la voiture, notamment parce que justement la piste c'est un billard et puis que les températures étaient un peu plus fraîches en course, Alex. On attendait que ce soit Russell qui joue les troubles faites avec Norris et finalement c'était Leclerc qui lui a mis la pression sur toute la course et qui a failli le dépasser. Et déjà Russell a raté son départ avec des problèmes de frein de pédale longue au début et puis ensuite c'était une course dans un no man's land. À la cinquième place, une course médiocre, mais qui valide quand même la deuxième place au constructeur de Mercedes. Sans trop de panache pour cette fois-ci, mais Russell a été vraiment un pilote ultra régulier. On l'appelait monsieur régulier, monsieur troisième place en début de saison. Donc clairement, c'était décevant pour Mercedes, qui referme cette terre effet de sol, je pense, avec un grand sourire, hein, un peu comme Hamilton. Et puis, en tout cas, voilà, Russell a fini à, je crois, 20 secondes de Leclerc, chose comme ça, c'est vraiment... C'était vraiment très loin derrière, très très loin derrière. Et puis Antonelli est passé à côté de son week-end, hein, je veux dire, après une série de bonnes courses. Il n'a jamais été là où il fallait, il avait des problèmes à l'arrière en Q2, il manquait de stabilité, manquait de confiance. Et quand vous partez loin à Abu Dhabi, et quand votre stratégie ne vous permet pas de faire la différence, et quand vous n'avez pas le rythme pour dépasser, eh bien ça donne une 15e place totalement anonyme et totalement décevante. Qui vient conclure pourtant des dernières courses qui étaient plus prometteuses pour lui. Donc, moi j'ai bien aimé le commentaire de Russell qui dit c'est peut-être pas plus mal, ça nous évite d'avoir trop de hype pour l'an prochain, ça nous invite encore plus à travailler. Voilà. Donc, moi j'ai bien aimé cet état d'esprit, mais bon, voilà. Franchement, c'était peut-être une course à l'image de cet air effet de sol pour Mercedes, c'est-à-dire décevant. Même si cette année, il y aura quand même eu des victoires pour Russell, hein. C'était clairement pas une année catastrophique, c'était une deuxième place. Ça n'a clairement pas brillé non plus. Bah clairement, ouais. Après, c'est vrai que la fin de saison était un peu plus compliquée, mais il y a eu quelques bons résultats. Il y a eu deux victoires, effectivement, pour Russell, et puis les podiums pour Antonelli. Donc, ça reste quand même correct. Antonelli rate sa finale, il passe un peu à travers, mais il a fait quand même une belle saison globalement. Et puis, ce week-end, par contre, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas, j'espère que c'est pas le tout ce qu'il a eu après le Qatar qui l'a un peu pesé, mais... Il m'a semblé un petit peu en dedans au niveau performance. Non, mais les deux en course ont reculé par rapport à ce qu'ils avaient montré en essai aussi. Oui, donc, c'est vrai qu'en essai libre, on voyait Russell quand même jouer les troubles faites, hein, comme le dit, c'est le bon mot choisi par Alex. Peut-être l'arbitre, on s'attendait même que ce soit l'arbitre, la monoplace qu'espérait peut-être Max Verstappen se glisser entre les McLaren pour pouvoir prendre les points nécessaires sur Norris. Au final, effectivement, si en essai libre et en qualif, c'était quand même pas si mal. C'est vrai qu'en rythme de course, c'était beaucoup plus médiocre. Donc, Je tiens quand même à souligner la très grosse saison de Russell, hein, qui termine à 90 points de Piastri et je crois 77 points devant Leclerc, hein, et qui marque plus du double de points dans Tonelli. Donc Russell fait quand même une saison ultra solide et ouais. Ça montre que c'est le pilote numéro 1, évidemment, très clairement pour l'an prochain chez Mercedes. Et il y a beaucoup de gens qui s'attendent à le voir champion si Mercedes négocie bien le virage de l'an prochain. Ce n'est pas encore fait, mais très clairement, il est prêt. On ne doutait pas trop qu'il allait finir devant. Maintenant, Anthony a quand même montré de sacrés points de vitesse et sacrément prometteur, je pense. Donc, c'est un bon duo pour 2026, je pense. Donc, à voir comment, comme tu dis, hein, comment Mercedes aborde la nouvelle réglementation. Je pense que ça peut être effectivement le duo peut-être champion du monde l'année prochaine, hein, que ça se trouve. En tout cas, ils font partie des favoris, hein, sur le papier. Mercedes a été toujours l'avant-gardiste en termes de moteur ces derniers temps. Donc, c'est vraiment eux qui avaient négocié l'air hybride tellement à fond qu'ils n'utilisaient même pas leur moteur à fond au départ pour histoire de pas mettre encore plus de coups aux adversaires. Hein. C'est vrai, ils l'avaient avoué quand même. Hein. Ils exploitaient vraiment pas leur V6 turbo à fond, alors qu'ils mettaient déjà une pilule aux autres. Bah, à Ferrari, à Renault, à Honda ensuite l'année suivante. Bah, Honda, c'était tellement catastrophique que c'est bon que plusieurs années plus tard. Mais c'est vrai que sur le papier, tout le monde dit Mercedes. Maintenant, on n'est pas à l'abri de voir Ferrari, on n'est pas à l'abri de voir Honda, on n'est pas à l'abri de voir Red Bull Ford, hein, aussi, parce que Red Bull Ford a largement pioché chez Honda, largement pioché chez Mercedes, largement pioché chez Ferrari et chez Renault. Donc c'est pas des gens qui sortent de l'université, qui n'ont jamais fabriqué un moteur de F1, qui officient derrière. Hein. C'est quand même des gens qui ont bossé en F1. Donc, certes, ils n'ont jamais tous bossé ensemble, donc c'est peut-être là qu'est la crainte sur le projet final, mais la connaissance, ils l'ont. Ouais, c'est ça, hein. C'est clair. Après, j'ai vu deux commentaires. Otago dit un petit commentaire sur le fait que leur meilleure voiture de l'effet de sol en termes de points restera la W13 0 ponton de Mike Elliott de 2022 avec 22 courses. Alors, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de points en 2022, mais de là dire que c'est la meilleure voiture, ils ont bénéficié aussi du fait qu'il y avait moins d'équipes qui vampirisaient les points. Hein. Clairement, cette année-là, Red Bull en marque beaucoup, mais Ferrari s'effondre et ça leur permet de marquer notamment énormément de points. Au week-end de Sao Paulo, où ils font le doublé course et quasiment et doublé sprint, je crois, ils marquent 58 points. Au-delà de ça, ils ont une victoire cette année-là contre 4 l'an dernier. Moi, je trouve que leur meilleure saison, c'est clairement 2000. Alors, paradoxalement, ils terminent 4e l'an dernier, mais je trouve que c'est une saison où la voiture a eu les meilleurs moments, en fait. Qu'est-ce qui a été belle, son ponton. Ouais. C'est vrai que c'était sacré truc. Ils ont persisté un an et quelques mois, quand même, avec. Ouais, perdu beaucoup de temps. Contre l'avis de tout le monde, sauf de Mike Elliott qui s'est fait bien tacler pour ça et puis d'ailleurs qui a perdu sa place. Ils auraient dû le mettre dans le simulateur. Ouais, clairement. Pour le faire rebondir. Clairement. Et c'est vrai que j'ai vu aussi que Russell s'était vu trop beau en fin de saison. Je vois pas trop en quoi il s'est vu trop beau, vu la saison qu'il a fait. Oui, il espérait être l'arbitre de la finale, il l'a pas été, mais à part ça. Je veux dire, Russell, c'est quand même sur sa fin de saison, il fait quand même des belles performances aussi, quoi. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre les critiques sur Russell pour le coup. Après, effectivement, la gestion de l'ère de l'effet de sol, 2022-2025 de Mercedes, c'était quand même assez compliqué. Mais je trouve que Russell a justement été celui qui a tenu le cap pendant 4 ans sans souci, quoi. Oui. Et c'est McLaren nous dit Mercedes s'est fait battre sur cette ère par son client McLaren. C'est rarement arrivé. Red Bull Renault a battu Renault avec Vettel, mais je n'ai rien d'autre en tête. Effectivement, c'est très rarement arrivé, effectivement, puisque rarement les équipes clients sont censées avoir le même. Mais c'est aussi le plafond. René disait qu'on pouvait pas être champion sans avoir un moteur constructeur. C'est ça. Mais effectivement, le fait d'être dans une ère de plafond budgétaire fait que ça arrivera sûrement d'autres fois, hein, parce que. Et puis tout le règlement FIA aussi qui interdit que les moteurs soient différents entre les équipes, que les cartographies doivent être strictement les mêmes. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont fait que voilà, le moteur Mercedes dans la Mercedes est strictement identique au moteur Mercedes dans la McLaren. Ouais. Après, l'avantage de Mercedes, c'est de connaître toutes les petites subtilités d'intégration. Mais bon, quand tu as bossé avec pendant je ne sais combien d'années, les subtilités d'intégration, tu les connais. Hein. Donc ce que tu es en train de me dire, Franck, c'est que tu n'écartes pas qu'Alpine soit champion de l'an prochain. Bah, sur le papier, non, rien ne l'écarte, à part le fait que ce soit une pine. On va y revenir, mais en fin d'émission. Pour d'évidentes raisons de résultats. Donc voilà, en tout cas, ça y est, Mercedes, bon, saison décevante, mais je ne trouve pas que c'était la catastrophe qu'on nous vend non plus. Comme eu deux victoires, c'est quand même la seule équipe à avoir gagné à part les deux principales. Donc ouais, c'est pas, je trouve pas que ce soit la saison catastrophique. Après, le dernier week-end était décevant, ça c'est sûr. Alex ? Non, on dirait que Ferrari n'était pas une équipe principale. Non, mais non, les deux équipes principales pour la lutte pour le championnat, en tout cas. Ouais. On va passer à Aston Martin. Alors là aussi, je ne m'attendais pas à les voir si tôt dans la hiérarchie sur la dernière course de la saison. Fernando Alonso termine 6e, Lance Stroll termine 10e, double point en plus. Enfin, vraiment, le gala de fin de saison pour Aston Martin. Fernando Alonso qui se glisse dans le top 10 du championnat in extremis. Devant Adjar. Devant Adjar et Adjar puis qui est la mauvaise devant Hülkenberg. Ouais, ouais, bah oui, forcément. Hein. Forcément, mais Alonso termine par 16 points sur les deux derniers week-ends. Ah mais il était même en feu dès le départ aussi, hein. Alors superbe Q3, superbe qualif, il dépasse Russell au départ, qu'il en feu, il tente même de faire un petit move sur Leclerc également, donc méga week-end d'Alonso, hein, et puis l'Aston effectivement très bizarre à comprendre. Non, non, donc, pas très bizarre. Alonso a dit à la fin du Grand Prix, c'est les deux magiques de Newey qui est là depuis deux courses, je pense qu'il voilà, qui a dû bien aider à trouver les bons images. C'est comme les écrouelles, il guérit. Non, après, oui, effectivement, il y a quand même sûrement des trucs d'exploitation de la voiture qui peuvent être. Là, tu te dis, putain, pourquoi on l'a pas fait venir sur tous les Grands Prix, mais il voulait pas. Il n'était pas encore patron à ce moment-là. Non, il est patron. Ouais, les patrons et prêtres. Exorcistes aussi. Exorcistes. Juge, juré, bourreau, enfin tout. Et ouais, donc franchement, et donc c'est dommage. Enfin, pour Aston, en tout cas, c'est dommage. Il passe à 3 points de doubler Racing Bulls. C'est pas passé à grand chose pour aller chercher la 6ème place. Bon, il finit 7ème. Franchement, bon, c'est quand même, ça reste une saison bien décevante. Mais Alonso, bah, 44 ans, est quand même bon. Bah, il est là, hein, c'est super de voir ça. Tout pas oublier que lui, sa saison a duré en fait 16 courses. Puisque le premier tiers, il marque 0 points. On arrive à la fin du premier tiers de la saison, 8ème course, il a toujours 0 points. Et il termine avec 56 points. Lance Stroll en marque 33 sur la saison. Au moment où Alonso commence, n'avait pas encore de points, Stroll en avait déjà 8, 4, 12 et 2, 14. Donc on voit quand même qu'il y a eu une belle inversion derrière. Après, Stroll, il a terminé qu'à 2 dixièmes et demi d'Alonso en Q2, ce qui n'est pas infamant. Et il fait une bonne course, hein. Par contre, ce qui est infamant, c'est le 24-0 en qualif. Hein. Ça, c'est. Ouais, après, Stroll ne fait pas un week-end dégueulasse. Non. Là, hein. Il fait un bon premier relais en dur, ensuite il passe en médium. Il défend bien, il attaque bien. C'était relativement propre. Du coup, il finissait plus haut sans 5 secondes de pénalité, parce qu'il a eu 5 secondes en fin de course aussi. Il finissait plus haut sinon. Il était plus proche. Ouais, c'est. Donc, c'était pas flamboyant, mais plutôt correct pour Stroll. Après, ça reste une saison. Quand même décevante, hein, de Lance Stroll, ça c'est sûr, et une saison décevante d'Aston Martin. Focus de Minatis, hein. Clairement, de toute façon, aussi. Ouais, mais on le rappelle, hein, tout dépend du moteur Honda, hein. Chez Aston, qui sera la seule équipe à avoir le moteur Honda, donc là encore, c'est quand même l'inconnu. Hein. C'est quand même moins inconnu que le moteur Red Bull Ford, en tout cas sur le papier, toujours pareil. Oui, bien sûr. Et après, en qualif, Stroll a autant de Q3 que Alonso a d'élimination en Q1. Donc deux éliminations en Q1 pour Alonso, deux Q3 pour Stroll. Par contre, on a 16 éliminations en Q1 pour Stroll et 11 Q3 pour Alonso. Donc il y a un monde. Je crois que Stroll, c'est le pilote qui a été le plus éliminé en Q1 cette saison. Hein. Ouais, je crois. Peut-être avec Hülkenberg, il y a peut-être match. Et non, sur la fin de saison, Hülkenberg fait mieux. Donc là, c'est sa première élimination. Bah non, Pinto, il l'a pas fait tout de toute façon. Ouais. Et là, Hülkenberg, sa première élimination en Q1 depuis Azerbaïdjan. Donc oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on était. Oui, effectivement, Stroll, je pense, a été le plus éliminé en Q1, clairement. Et Alonso est dans le top 7 des passages en Q3, je crois, sur la saison. Donc Non, top 10, mais c'est quand même pas mal. Alors, Hadjar est devant, je pense. Oui, Hadjar est devant. Ouais. Hadjar est 6e, je crois, au classement des Q3. Et Fernando qui a vraiment choisi aussi son candidat préféré pour le titre en donnant l'aspiration quand même à Max Verstappen dans des qualifs. C'était... Et c'est flagrant en plus, hein. Il le fait, il le surveille. Et hop, oui, mais alors j'ai pas compris pourquoi. Bah, c'est son ami, il se respecte. Il y a un respect entre les deux, c'est et je pense que Alonso a toujours une contre McLaren. Hein. C'est ça. Alonso, il se verrait bien en équipe avec Verstappen de faire le Mans, hein, clairement. Ouais, ça, il l'a déjà dit pas mal de fois. Et puis, je pense que ces deux passages chez McLaren, globalement, ça n'a pas été les meilleurs moments de sa carrière. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit peu de ressentiment. Et je peux comprendre, hein. C'est pas. C'est bon, pas... Après, on a eu quand même la question tout à l'heure, c'était est-ce que Newey va pouvoir virer Stroll comme oui. Répondre à cette lequel, question. Lequel lequel oh, bah, le père, je pense que ça va être compliqué. Bah, le oui, père, le père il pourra se virer lui-même s'il vend Aston Martin, parce que la marque est quand même pas en super, est quand même pas en super grande forme financière non plus. Hein. Elle marche quand même à beaucoup d'injections de dizaines, voire de centaines de millions, de rachats, d'actions, tout ce que tu veux, de renflouement. Au bout d'un moment, si ça continue comme ça, je suis pas sûr que Lawrence Stroll garde très longtemps le contrôle de Aston Martin. Ouais, peut-être de l'équipe, mais au bout d'un moment, effectivement, je pense que tant que le père Stroll est aux commandes et qu'on n'a pas vu ce que donnait 2026, Lance restera là. Maintenant, si l'année prochaine la voiture est un tréteau, malgré Newey, je suis pas sûr que Lance ait vraiment envie de rester aussi non plus très longtemps. Pas oublier qu'on avait eu récemment l'info comme quoi il avait failli partir début 2024. Hein, donc, Et l'info, il venait de Drugovic hein, en plus. Hein, ça n'est pas de n'importe quelle source. Voilà, c'est Drugovic qui a dit attends avant de signer ailleurs. Il est fort possible que Lance ne fasse pas la saison. Quoi. Au final, au dernier moment, il le fait. Et Drugovic avait signé. Et il s'est retrouvé sous la touche sans pouvoir négocier ailleurs. Donc, très bon plan de carrière. Ce que Lance Stroll a totalement démenti. Mais bon, je vois pas pourquoi Drugovic aurait menti. D'ailleurs, en parlant de sans possibilité de signer ailleurs, on a oublié de saluer le move très classe de Red Bull qui a écarté Tsunoda, mais il l'a interdit d'aller voir ailleurs. Hein. Ça, c'était... Ah oui, exact. Ouais. Ça, franchement... il était sous contrat sur 2026. Donc, ouais. Mais un contrat, ça se brise hein, quand tu lâches un pilote, quand tu le rétrogrades. On a vu plein d'équipes laisser ça arranger leur pilote pour qu'ils aillent ailleurs. Bon, franchement, non, mais clairement, je pense que ça s'est joué quand. Je pense que quand Aston Martin et Honda ont annoncé que Crawford serait bien pilote de réserve, je pense qu'à ce moment-là, que le sort de Tsunoda était réglé et que c'était sûr qu'il allait rester comme réserviste en 2026. Et que du coup, je pense que c'est à ce moment-là que c'était déjà plus ou moins su et réglé. Oui. Et voilà, c'est. Sans grande surprise non plus, quoi. Donc. Au-delà de ça, je pense pas que Tsunoda avait la moindre chance de la moindre équipe. Oui, je vois pas pourquoi Alpine l'aurait pris. Je vois pas pourquoi, voilà, avec Alpine en fait finalement qui avait encore un paquet à peu près négociable, on va dire. Et je vois pas pourquoi Alpine aurait signé Tsunoda, quoi. Il y a aucun lien entre, à part financier, faire crasher Honda bassiner, mais bon. Ils n'ont pas de moteur Honda du tout, ils n'ont même pas d'ancienne monoplace avec un moteur Honda. Donc... Bah, il aurait pu avoir Nissan, mais bon, bof. C'est de moins en moins. Bah, il y a déjà Toyota avec As, donc. Mais bon. Toyota est trop connoté Honda pour passer chez Toyota. Si vous imaginez la trahison. C'est compliqué, avec le soutien qu'il a eu de Honda, ça lui a quand même valu ses 5 années en F1. Donc, c'est compliqué de dire bah, allez, ciao les gars. Ce sera l'IndyCar, je pense, pour lui derrière. Si. Ça par contre, oui, il y a une sorte de chose. Soit il revient à la F1 en 2027, soit c'est au revoir la F1. Ouais. Je tends à penser que ce sera au revoir la F1. Mais je pense que malheureusement, Tsunoda, c'est un peu comme d'autres pilotes, sa saison chez Red Bull lui a coûté très cher en termes d'image. Un duo Leclerc-Tsunoda chez Aston, c'est au cas où Alonso en a marre et Stroll en a marre. C'est pas impossible. Hein. Pas impossible. Bon, c'est très improbable, c'est mais c'est pas impossible. Ouais. Bah oui, c'est pas impossible. Mais je sais pas pourquoi il ferait venir Tsunoda alors que pire, il pourrait tenter Crawford, tu vois. Enfin. Parce que Crawford, il y a comme pis-aller, c'est tout. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il a. Non, mais clairement. Mais est-ce qu'en termes de potentiel, je suis pas sûr qu'en termes de potentiel, il soit moins bon que Tsunoda. Hein. Ah oui, mais Tsunoda, il a le bagage. Hein. Ça. Quand t'as Leclerc à côté, tu vois, tu peux. Puis bon, d'ici là, on aura peut-être d'autres pilotes qui seront intéressés par Aston, hein, si Aston va bien en 2026. Ou en tout cas, monte des choses ou quoi. Sait jamais. On va passer à Haas avec la renaissance d'Esteban Ocon après quelques week-ends très compliqués qui nous fait un début de week-end compliqué encore. Hein. Clairement, le vendredi, c'était la catastrophe. Il nous disait qu'il avait l'impression d'être un rookie en Formule 1, qu'il n'avait plus conduire. Et puis le lendemain, tout a changé sur la voiture et tout a changé pour lui. Il fait 7e au terme du week-end, il termine sa course 7e. Berman termine dans les points sur la ligne d'arrivée, mais se fait pénaliser. Et termine au final 12e. Un week-end pas mauvais pour Haas au final. Bon, ça n'aurait servi à rien puisque l'équipe à qui il voulait reprendre des points en a marqué aussi. Mais ouais, globalement, une bonne note pour finir la saison, notamment pour Esteban Ocon qui était quand même pro à quelques doutes. Alex. Franck, comme vous voulez. Celui que ça inspire le plus. Non, mais moi, j'étais très inquiet vendredi et rassuré samedi. Hein. Franchement, vraiment, je commençais à avoir peur pour Ocon. Et alors, je serais intéressé de savoir exactement ce qu'il a changé, à part tous les réglages, mais voilà, un peu plus dans le détail, comment ça s'est produit, comment ça s'est fait. C'était un peu inespéré après une grosse difficulté, surtout qu'au Qatar, il avait dénoncé un problème fondamental sur sa voiture, donc on n'a toujours pas non plus compris ce que c'était. Donc, on manque un peu d'explication. C'était beaucoup les freins quand même, problème de freins. Il était très inconfortable. Ah, ben, en plus, chez As, c'est pas la première fois avec Brembo que ça arrive, donc c'est autant inattendu que bienvenu. Pour une fin de saison d'Ocon, voilà, ça ne sauve pas quand même sa fin de saison qui aurait été vraiment très très très compliquée, mais c'est de bon augure pour l'an prochain et franchement, c'est tout ce qu'on attendait de voir pour être vraiment rassuré, évidemment, qu'il n'a pas oublié comment piloter. Il l'a même dit hein, sur Canal, c'était d'ailleurs très fort. Voilà, je me suis dit, mais même moi, j'ai douté. Je suis un rookie, mais peut-être que je suis nul en fait, mais évidemment, non, il est pas nul, il est au top niveau et on ne sait pas. En tout cas, voilà. Heureusement, encore un pilote pour qui le changement de réglementation va faire du bien parce qu'on va repartir sur une toute nouvelle voiture. Voilà, il aura tenu Hamilton derrière lui toute la course, ce qui est quand même pas rien quand on voit que Ferrari était quand même plutôt en forme ici, donc ça fait du bien, c'était inespéré, inattendu et franchement bienvenu. Mais c'est vrai que je veux juste rebondir sur globalement le fait que tu dis ça va être une nouvelle réglementation, mais hier on a entendu Piastri dire on n'aura plus à conduire ces voitures. J'ai l'impression quand même que les pilotes n'ont pas il y a eu beaucoup qui ont eu des problèmes inexplicables en termes de maniabilité, en termes d'aisance au volant, et je crois que ces voitures-là, elles ne seront pas regrettées par grand monde. Et notamment par Ocon, qui a eu quand même. Même s'il a eu quand même, lui, des belles années chez Alpine avant, enfin 2022-23, il fait des belles choses avec ces voitures-là. En fait, le problème, juste pour faire une petite parenthèse sur les F1 effet de sol, c'est qu'on a un tel niveau technique aujourd'hui par rapport aux F1 effet de sol de l'époque des années 80, qui fait que ça va tellement vite que avec les bosses qu'il y a, avec les voitures très rigides, les flux d'air du coup qui bougent un peu, ça te fait dérailler ta monoplace complètement et tu peux avoir effectivement des comportements un peu incompréhensibles. Et je pense qu'effectivement exploiter de l'effet de sol sur de la F1, je pense que c'est pas un souci, mais pas un tel niveau de performance, parce que là, du coup, en fait, t'arrives sur des incompréhensions qui à très très haute vitesse, qui sont presque voilà, qui sont dangereuses, hein, rebond, perte d'appui ou changement d'appui. Pour moi, c'est pas. Je pense que c'est aussi pour ça que les pilotes ne vont pas le regretter, c'est que voilà, c'était un niveau de performance beaucoup trop élevé pour que ça en devienne presque maîtrisable, voilà, par l'humain. Voilà, parce qu'effectivement, voilà, ces effets de sol, ils sont vraiment énormes. Il suffit de la moindre, voilà, un plancher qui va un peu trop proche du sol, on perd l'appui, les phénomènes de pompage et tout ça, on l'a bien vu. Je pense que c'est vraiment pour ça que ça ne sera pas ni regretté par les pilotes, ni par les ingénieurs d'ailleurs aussi, parce que à régler, c'était quand même assez coton. Sinon, je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, juste deux news. Comme c'est la première, c'est que Berman prend encore des points de pénalité en plus, il se retrouve à 10 points de suspension de nouveau, sur 12. Donc le début de l'année prochaine va nous être compliqué pour lui suite à son petit bibi avec Stroll, je crois, en fin de course. Et Toyota qui arrive en partenaire titre, Toyota Gazoo Racing qui arrive en partenaire titre de l'équipe à partir de l'année prochaine, qui met encore plus de billes, encore plus insuffler leur patte technique et leur patte pilote surtout. Voilà, donc c'est pilote, technique, c'est formation, c'est ingénierie, c'est tout ça. Voilà, donc il n'y a pas encore le moteur, on sent que ça les titille un petit peu. Je pense que si jamais on leur annonce qu'un moteur change à l'horizon 2029 plutôt que prévu, je ne suis pas étonné de voir Toyota se lancer avec leur propre moteur. Mais si l'hybride disparaît, je pense pas par contre, parce que Toyota ils sont quand même vachement rattachés à tout ce qui est hybride. Il faut une voiture hybride depuis 98, donc voilà, donc ce serait un peu compliqué. Mais voilà, Toyota arrive vraiment en force chez Haas, et du coup, on va pas le pilote aussi, peut-être qu'ils vont changer. Donc attention, hein. Effectivement, s'il y a un pilote qui sous-performe, voilà. Et je dirais que, dans les petites nouvelles, que Jack Doohan serait dans les petits papiers de Toyota pour arriver en tant que troisième pilote de l'équipe l'année prochaine. C'est un bon choix, je pense. Dans les toutes dernières nouvelles. Écoute, oui, c'est un bon choix. Le problème, c'est qu'on l'a pas vu beaucoup, beaucoup de fois. C'est le seul pilote qui a réussi à passer le premier virage de Suzuka sans DRS ouvert. Donc ça, oui, effectivement, ça fait parler aux Japonais, je pense. Je sais pas si passer est le mot qu'on pourrait employer, mais voilà. Je pense que le côté kamikaze a dû parler aux Japonais. Je pense, voilà. Il a plus d'avenir chez Haas que chez Alpine, en tout cas. Oui. Ah, mais il a pas montré des mauvaises choses chez Alpine en tant que titulaire, donc c'est ça qui est terrible. On lui a pas laissé le temps non plus, clairement. Bah non. Mais en début de saison, il était pas si mauvais. Hein. Non. C'est ça qui est terrible. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est la com de Toyota, parce que c'est l'an dernier, ils mettent des stickers sur la voiture. Non, mais c'est pas un retour en Formule 1. Tout là, c'est genre, on vient sponsor titre. Non, mais c'est pas un retour en Formule 1. Ouais, ils voient le motoriste. Non, mais c'est pas un retour en Formule 1. L'équipe, elle s'appelle à Toyota. Ils font non, mais attendez, c'est pas nous. C'est pas... c'est Gazoo Racing. C'est Gazoo Racing et c'est Haas. Donc voilà. Ouais, c'est trop drôle. C'est en tout vraiment... cas, pour une fois que Haas avait trouvé un partenaire titre qui était fiable. Oui. C'est pas comme Rich Energy ou... C'est vrai qu'ils ont fait du coup, on s'est passé quand même de Rich Energy. Bon, Monogram, c'était quand même déjà beaucoup plus, ouais, beaucoup plus sérieux. Bien. Et là, Toyota, c'est quand même. Oui, c'est beaucoup, c'est le... Si eux payent pas, personne qui paye derrière. Hein. C'est ça. Mais Toyota, en fait, ce qui m'étonne, c'est que c'est vraiment le premier constructeur où t'as l'impression qu'il essaye de tout faire pour ne pas dire qu'il y a un F1. C'est... Tous les autres, c'est genre, ouais, nous on est là, on s'implique, on fait du naming s'il le faut, tu vois, genre Alpha. Et eux, c'est vraiment, ils y sont, mais genre, non. Oui, d'ailleurs, on en parle très peu. Hein. Personne ne parle de Toyota. Personne n'a de nous trois à parler de Toyota, à part du côté sponsoring. Il y a des quelques pilotes qui, de temps en temps, ils propulsent en essai de vieille F1 ou en essai libre. Sinon, c'est vrai que Toyota, on n'en parle pas. Et même l'année prochaine, ouais, si je pense qu'ils spécifique. Ils ont peur de ne pas être performants. Tu ne diras pas Toyota assez fin team l'année prochaine. Hein. Ouais. Aucun de nous trois parlera de ça. Hein. Je pense que le moteur Ferrari bloque aussi pas mal la com. Oui, c'est sûr, mais personne ne dit Haas Ferrari non plus, hein. Je veux dire, de temps en temps, si on parle du moteur Ferrari, ouais, mais en fait, c'est très rare. Ouais. Tu vois, je pense qu'il n'y a que Aston et Honda qui vont assumer le fait d'être deux constructeurs qui s'allient, mais peut-être que ça va permettre... L'année prochaine, on parlera beaucoup plus des moteurs, je vous le garantis. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est clair. Mais ouais, en tout cas, ça me fait rire, Toyota, c'est vraiment le seul qui... On dirait qu'ils n'assument pas, en fait, donc c'est drôle. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, ouais. Après, c'est sûr que si l'an prochain, la voiture, c'est une voiture noire avec marqué GR en gros sur le capot, je pense qu'on commencera à assumer un petit peu. C'est pas fait après, désolé, mais Audi est propriétaire de Sauber, hein, d'ores et déjà. Hein. Oui. Ils auraient pu s'appeler Audi dès cette année. Hein. Oui, mais ils avaient dit justement que tant que c'est pareil, s'il y a un système de moteur, quoi. Ça aurait été quand même une Audi Ferrari, donc. Ouais. Je pense après, s'associer à Ferrari, c'est pas dégueulasse hein, pour n'importe quel constructeur. Hein. Ouais, mais je crois que quand t'es un généraliste qui est pas sur le même truc, ça fait un peu, tu vois. Bah, moi, les seules associations que je verrais pas, c'est McLaren Ferrari, Porsche Ferrari, Lamborghini Ferrari ou Bugatti Ferrari, c'est ce genre de truc, tu vois. Mais, ou Alpine Mercedes aussi, ça se voit. Bah, regarde, on a eu. Mais non, bah, même pas, parce que t'as des accords commerciaux et industriels entre Renault et Mercedes. Bah oui, non, mais je sais bien. Même entre Peugeot et Ferrari, même Peugeot et Ferrari, c'est le même groupe. Enfin, c'est le même groupe, il y a une pure remontée à Stellantis, t'avais Pininfarina qui faisait aussi le lien à l'époque, enfin, ouais, t'avais même des Commodo de 406, je crois, dans des Ferrari de l'époque, ce genre de choses, donc c'est pour te dire, même dans les Maserati, donc voilà, il y a juste quelques marques que tu peux pas associer naturellement, mais voilà, Red Bull Ferrari, par exemple, voilà, ça choquerait pas, tu vois, parce que même eux se sont tournés vers eux, voilà, donc... Parce que Ferrari, ça reste une marque iconique à part. Je suis désolé, même s'ils ont fait une saison de merde, mais Ferrari reste... rate son moteur l'an prochain et ils prennent un moteur Red Bull. Tu vois, je serais même meilleur que... Non, je pense qu'il y a un parlementaire niveau 8 en Italie, c'est Enzo Ferrari qui se retourne dans sa tombe. Tu veux vraiment que je te bannisse de Next Gen, toi ça, ouais, tu veux vraiment qu'on... J'imagine je sais pas, qu'on se sépare sur de mauvaises intentions comme ça. J'imagine pour être remplacé par Helmut Marko. Je verrais même une cross collab entre Mercedes et Ferrari un jour, tu vois, ça m'étonnerait même pas, tu vois, que ça puisse arriver. Oui, on a vu des trucs plus absurdes, mais Porsche Ferrari en plus, Porsche Ferrari ça serait pas mal, parce qu'il y a quand même deux chevaux quand même. C'est vrai. Parce qu'il y a des chevaux. On aura déjà en face de Ferrari l'an prochain. Ouais, c'est ça, bah exactement, voilà, Cadillac Ferrari, exactement. Ça le gêne pas. Comme le dit Sim Tousso, on a bien eu BMW, Sauber, Ferrari aussi, hein, c'est vrai. Bon, ça c'était plus parce qu'il y avait eu une reprise aux dernières minutes. Mais... Exact. Effectivement, Horner qui remplace Vasseur, peut-être pas tenter le scénario du pire chez Ferrari. Hein. voilà, en tout cas pour Haas, sera passé à une autre cliente de Ferrari, plutôt plus pour longtemps, enfin plus du tout même maintenant, c'est Sauber. 9e place pour Nico Hülkenberg, 11e pour Bortoleto et 2 points pour célébrer la dernière course de l'équipe suisse qui était là en F1 depuis 32 ans. Alors il y a eu l'ère BMW, il y a eu l'ère Alfa Romeo qui était un naming, mais effectivement la structure Sauber, le nom Sauber avait toujours été laissé sur les voitures ou dans le nom de l'équipe. Ce sera la première fois que ce ne sera plus le cas, que ce sera réellement un changement d'identité et je pense que la disparition... Le châssis C pour le Christian, c'est la compagne de Peter Sauber qui a d'ailleurs assisté à ce dernier Grand Prix, donc était invité par l'équipe et qui a fait une révélation, je ne sais pas si vous l'avez lu sur Next Gen Auto, selon laquelle, Lewis Hamilton a failli signer pour et commencer du coup sa carrière F1 chez Sauber, mais McLaren ne voulait le prêter que pour un an alors que Sauber ne voulait que deux, elle voulait deux et du coup ils ont refusé, donc et c'est pour ça que Hamilton s'est retrouvé chez McLaren. Vous imaginez si Sauber avait dit OK pour un an, on avait un destin tout autre pour Lewis Hamilton, hein. Ouais. Personne et pour Alonso parce qu'il y aurait eu un autre équipier en 2007 aussi. Exactement. Ah, oui. Ça c'est assez fou, hein. C'est passé à pas mal de choses. Donc cette révélation là qui est tombée là, c'était quand même assez dingue. Et voilà, donc dernier Grand Prix de Sauber. Moi j'ai toujours l'image cette première Sauber de noir de toute noire de 93 avec Karl Wendlinger, je crois, au volant et Stefan Zen déjà aussi à l'époque. Oui, c'est ça. Hein. C'est ses débuts à Frenzel, ouais. Avec Tissot sur le côté, une très très jolie monoplace. Mmh. Et, c'est pas dit que Audi soit là pour toujours, et donc si c'est ouais. Audi part, Sauber reviendra. Hein. Mmh. Red Bull est arrivé en F1 via Sauber aussi. Hein, en tant que, pas oublier qu'en 96, ils ont Red Bull et Petronas, qui est aujourd'hui le sponsor de Mercedes. Donc. C'est ça, donc non, c'est une équipe très très. Voilà, ils ont attiré BMW, ils ont attiré beaucoup de ils ont fait débuter à certains Kimi Raikkonen. C'est ça. Et ils finissent donc 9e du championnat, donc ce qui sur le papier paraît pas bon, mais 9e avec 70 points. Jonathan Bichler soulignait, c'est effectivement, il y a un écart entre le 6e et le 9e qui est une vingtaine de points, 22 points, je crois, qui témoigne. Alors quand vous voyez, Alpine finit largué, mais voilà, il y a un écart qui est dingue. Voilà, qui est ils auraient été 6e avec 70 points l'an dernier. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est une saison qui s'annonçait quand même assez mal. Hein. Et voilà, bon, après les essais privés, on les attendait, mais largués totalement. Hein. Comme les As d'ailleurs. Comme les As. Ouais, bah, c'est clair. Hein. C'est vrai que... Comme les Alpines. mais... oui. Et encore que Alpine, en début de saison, il y a quand même eu une ou deux flamboyances qu'il n'y a pas eu après. Et puis Gasly a fait des Q3 quand même. P5 à Bahreïn. Exactement. Hein. Le très tôt. Ça reste un très. Oui, oui, on y reviendra, mais. Mais effectivement, pour Sauber, c'est une saison quand même pleine d'espoir parce que ça a mal commencé. Et finalement, ils ont eu déjà le très très bon duo de pilotes. Hein, l'association entre Hülkenberg en deuxième partie de carrière et puis un Bortoleto débutant, ça a été très très bon. On a vu les deux qui n'ont pas eu les mêmes moments de bien, de bonne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peu irrégulier quand même les deux, l'un avec l'autre. Ouais. Mais ça s'est quand même bien passé globalement. Du coup, ça veut dire que pour l'équipe, il y a eu une série de. Attendez, j'ai perdu mes stats, je les retrouve dans 2 secondes. ils ont fait une série d'entrées dans les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrées dans les points en milieu de saison. Et après, il y en a encore eu une série de 4 entrées dans les points. Donc, c'est vrai que eux, c'est pareil. Hein, au terme de la 8e course de la saison, ils n'avaient que 6 points marqués en Australie. Et après, il y a eu 64 points de marqués sur les 2 derniers tiers de la saison. Donc, oui, c'est une évolution qui a tout changé. Hein, Complètement, parce que la 8e, enfin, la 9e, c'était Barcelone. Et c'est là où ils ont amené le package qui a vraiment changé la voiture, même visuellement. On avait vu pas mal de choses qui avaient changé. Et les pilotes ont répondu présent. Nico Hülkenberg a fait son premier podium. Hein, c'est quand même inattendu. Et puis Bortoleto, quelques belles performances aussi. Il termine notamment 6e en Hongrie. Donc voilà, très belle saison. C'était un peu difficile, mais globalement c'était bien. Il termine avec, parce qu'il fallait le dire, il termine avec quand même 48 points d'avance sur Alpine. Voilà, donc c'est quand même énorme comme delta entre la 9e et la 10e place du championnat. Il y a un doublé entre eux. Ouais, c'est ça. Un peu plus, ouais. On passe ensuite à Williams. Alors là, c'est pareil, Williams, un mauvais week-end. 13e place pour Sainz, 16e pour Albon. Une dernière qui était décevante, mais bon, globalement, c'est pas ce que retiendra Williams, même si c'est une fin de course, une fin de saison, voilà, qui est en demi-teinte et qu'ils étaient dans le peloton. Ils ont en plus été malchanceux parce que leur stratégie à un arrêt s'est retournée contre eux avec un train DRS qui a complètement bloqué Sainz au fil de la course. Néanmoins, je pense que c'est effectivement pas ce que retiendront les pilotes Williams. Albon, alors moi j'ai vu des gens qui disaient qu'Albon avait été transparent cette année, et bon, faut pas oublier qu'il a fait un très très bon début de saison. C'est lui le champion du monde de la Formule 1 à 1.5, hein. C'est lui le meilleur des autres. C'est ça, année, et c'est le meilleur classement d'un pilote Williams au championnat depuis 2016. Donc là encore, on est sur des grosses performances et des grosses améliorations pour Williams. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que sur les dernières courses, là, et encore une fois, la tendance ici s'est poursuivie, Sainz est devant Albon en fin de saison. Et c'est vrai que la dynamique, là, pour le coup, elle est clairement pour Sainz. Donc Albon va se reprendre l'an prochain. C'est ça. C'est vrai qu'après, Sainz a quand même fait deux top 3 en qualification cette année. Hein. Ça, c'est impressionnant. Une quatrième place aussi, je crois. Superbe. Ouais. Et mais bon, globalement, non, une dernière, après, en demi-teinte quand même. Mais c'est pas, voilà, ça viendra pas écorner une saison... de toutes les enfin, du renouveau presque pour Williams. Oui, bah surtout en ayant développé la voiture très très peu cet hiver, comme l'a dit James Wolff. C'est ça qui est impressionnant. C'était pas prévu, mais pour le coup, ils avaient annoncé la couleur en disant on fera rien de fou, on n'a pas développé la voiture, etc. Au final, si. Oui, il l'a redit ce week-end. Ce week-end, ils ont dit c'est une voiture sur laquelle on a quasiment pas travaillé, quoi. Et ce qui est fou, c'est que c'était une voiture qui marchait encore au Qatar. On l'a vu. Hein. Podium à la régulière pour Sainz, alors qu'il n'y a eu aucune évolution. Mmh. Voilà. C'est bien parce que du coup, ça a entraîné vraiment toute l'équipe de course sur le côté opérationnel à vraiment tirer le maximum de ce qu'on leur donnait. Ah ouais, et c'est ce qu'on a aimé voir très ça bonne, chez Ferrari. Quoi. Ouais, c'est très très bon entraînement pour l'année prochaine, quoi, en espérant que la voiture soit au niveau. Après, voilà. 2026 est un reset complet pour tout le monde. Donc, c'est toujours difficile de dire, mais si la voiture est plutôt dans le coup, ils auront passé une bonne année, effectivement. En termes d'exploitation, donc j'espère que ça va leur servir. Ils ont bien fait d'acheter Windows 10 pour mettre à jour Excel, quoi. Non, Windows 10, ils ne peuvent plus se mettre à jour. Non, maintenant, c'est Windows 11, ouais. Windows 11. Et là, ils viennent de l'acheter, justement. Il faut encore un peu de retard. Ils sont obligés. Office. Ils sont abonnés à Office 365, maintenant, ça y est. James, il a compris qu'on pouvait faire un 5 abonnements avec un seul. Il a pris un pack famille pour ses directeurs techniques. Un pack famille. On dit ça parce que James avait révélé qu'il avait découvert en arrivant chez Williams que toutes les pièces de la voiture, donc je ne sais plus combien de pièces sur une VF1, 15 000, étaient encore gérées avec un seul fichier Excel qui centralisait tout. C'est un peu le symbole hein, du processus c'est le qui n'allait pas chez Williams. D'une équipe qui n'avait pas évolué pendant des années et des années. Quoi. Le directeur financier était qu'un boulier entre de compter pour les budgets plafonnés. Donc. Ils étaient tous sur un carnet. On a bien un ingénieur qui travaille encore à la planche à dessin. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, lui, il explique quand même qu'il travaille aussi bien avec les ordinateurs derrière. Mais oui. Sobret et Delicate nous dit finalement, ils ont tous arrêté le développement assez tôt. Non, parce que Red Bull a fait des grosses évolutions jusqu'à Monza. Et des petites jusqu'à Austin. Pour ce que tu appelles grosse, c'est juste un nouveau plancher. C'est pas... Monza, il y avait plus. C'est pas ce qu'on appelait grosse jusqu'en 2024. Monza, c'est plus que une ça. Une grosse pièce, on va dire. Mais c'est pas un package complet, on va dire. Mais Monza, il y a plus. T'as aileron avant, aileron arrière, capot et ponton et plancher, ça a quand même été hyper rare ces années, quand même. Ouais. À part As à Austin, qui était les derniers. Mercedes fait un gros package, fait un package quand même assez important aussi après la pause estivale. Donc, mais sinon, non, après il y a vraiment des équipes qui ont arrêté en avril, mars-avril, quasiment sur la deuxième course de toucher la voiture actuelle. Quoi. Donc en tout cas, voilà, moi je suis très content de voir Williams revenir au sommet. Ils ont un super duo de pilotes, un super directeur, et franchement, tout est en train de s'aligner pour. Ça va pas gagner du jour au lendemain. C'est pas impossible. Ils ont dit 2028. Il a dit 2028. Donc... Et franchement, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Donc, un plan à 75 courses encore, à peu près. C'est ça. Xoan se dit, il n'y a pas un article résumé du calendrier d'arrêt des développements voitures. Ben non, en fait. Après, tu peux prendre tous les EL1 de... Tu peux prendre tous les résumés de L1 de Next Gen, puisqu'on faisait un point sur le développement de chaque équipe chaque vendredi en débutant les week-ends. Donc, c'est la meilleure source que tu auras pour avoir exactement des trucs précis. Après, il y a des sites qui font ça de manière plus précise que nous encore parce qu'ils sont consacrés à ça. Oui. Ou alors, il faudrait prendre la note technique de la FIA sur leur site directement. Là, effectivement, là, du coup, tu as tout. Mais après, récapitulation de tout ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et en plus, il y a des équipes qui veulent développer qui ne peuvent pas forcément apporter des pièces. Et en plus de ça, les développements qui sont annoncés ne sont pas tous les développements, c'est les développements visibles. Tout ce qui est développement mécanique interne, ça n'a pas été montré, mais il n'y en a quasiment pas eu cette année, du coup. Après, pour être transparent, il faudrait une équipe de 10 personnes pour faire ça, que le site fasse 15 fois plus son audience, et puis qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ça aussi. Là, on s'adresserait à une frange de la population qui serait peut-être à 0,5% des gens qui voudraient lire un article sur quel est l'ensemble des évolutions de camp à camp pour chaque équipe. Honnêtement, c'est parce que les gens aujourd'hui recherchent sur Internet. On comprend très bien, et moi le premier, que ça m'intéresserait, mais clairement, ce ne serait pas des trucs qui seraient très lus, quoi, très consultés. Voilà, les articles techniques, on avait fait une bonne quantité quand la réglementation 2022 est arrivée. On en refera cet hiver parce qu'il y aura toutes les voitures, donc on va pouvoir analyser un petit peu. Donc moi, j'ai déjà commencé à chercher un peu à les rechercher tout là-dessus, mais sur les principes des voitures, on fera sûrement une émission là-dessus, principes des voitures, comment fonctionne le règlement, quelles sont les recherches de la FIA sur les règlements. Technique et tout. Maintenant, faire du très très technique, effectivement, c'est très chronophage, c'est très précis. Bon, on s'en sortirait, mais ça prendrait beaucoup beaucoup de temps et ce serait vous faire passer à beaucoup d'autres infos. C'est ça. Hein. D'ailleurs, on pourrait pas faire notre ligne éditoriale qui est qu'on parle de toutes les équipes, parce qu'au final, on parlerait que des top teams. Donc voilà pour les coulisses. C'est vrai que ça, on pourrait faire notre Twitch que sur les trois premières équipes, on serait tellement bien. 21h, on est terminé, on pourrait aller voir le film. Ouais, mais on n'aurait pas beaucoup une émission sur Ferrari. Parce que j'ai dit, on n'aurait pas beaucoup parlé de Ferrari du coup. C'est parfait, ça me va très bien. C'est vrai que ça prendrait moins longtemps, mais on pourrait pas tacler Alpine et ça serait un peu dommage. Non, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou autres Twitchers qui parlent de F1, hein, y a pas que nous évidemment. Mais c'est vrai que j'ai découvert que Squeezie se filme en train de regarder la F1. Ouais. Je savais que ça provoquerait un silence, ça m'a provoqué un silence moi-même. C'est un intérêt pour ceux qui veulent bien en trouver. Voilà, j'aurais pas pu se dire que ça, quoi. Bah, ouais, enfin, moi, je. Mais des gens comme nous qui débriefent un Grand Prix, qui passent en revue les 10 équipes, j'en connais pas. Non, mais c'est pareil, c'est dans la ligne éditoriale du site. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, on parle de tout. C'est pas le même public, et puis réunir un très large public néophyte. Oui, c'est ça. Nous, on s'est démarqué sur le fait de parler de tout le monde, et voilà, c'est ce qui aujourd'hui a fait notre succès. C'est ce qui a fait NextGen depuis le début, en plus. Donc. C'est ça. Bah, c'est la fin de notre 16e saison, quand même. Hein. On est né en janvier 2010, donc 16 saisons totalement couvertes. Donc, 16, c'est le numéro de Charles. Donc. Ça m'a pas porté chance pour le coup, mais c'est aussi mon numéro fétiche. Je suis né un 16 août, voilà. Donc la 16e saison, c'est pas celle du bonheur pour Ferrari, clairement. C'est vrai, c'est sûr que peut-être la 44e avec Lewis. J'espère que je serai plus là pour en parler. Je pense que Lewis sera plus là déjà. Je pense juste que je serai dans mon canapé en train de la suivre, mais en suivant autant un mojito ou autre chose. Peut-être que toi, tu continueras à bosser, mais. Oui, si, sûrement. Il me reste encore. Est-ce qu'il y avait numéro 17 en F1 ? Bianchi. Il a été retiré. L'année prochaine, la 17e saison. J'espère que ce sera. Bah, j'espère que c'est une saison Ferrari pour faire un petit hommage à Jules. Voilà. Exactement, ce serait sympa. Ça sera le clin d'œil. Et la 18, c'est Lance Stroll par contre. Donc là. Aïe, celle-là, on la passe. On la fera pas. Les étoiles s'alignent pour un titre de Lance Stroll avec l'Aston Martin. 2027. Exact. Rendez-vous. Et on sera en train de dire oui, mais Lance Stroll, c'est peut-être pas le meilleur pilote, mais c'est un champion. On demande si Stat F1, c'est nous. Non, Stat F1, c'est Martial, c'est un ami à nous qui nous fait confiance effectivement pour mettre un petit fil d'infos sur son site. Voilà, il y a d'autres sites qui reprennent notre fil d'infos parce que c'est des gens qui nous ont découvert aussi, qui aiment certainement ce qu'on fait. Et, c'est vrai qu'avant, il avait un fil d'infos qui mélangeait pas mal de sites internet différents. Et puis au final, comme ils se sont rendus compte qu'on traitait, je dis pas qu'on est exclusif, exhaustif, mais on sait qu'on traite énormément de choses, mais il nous a juste laissé nous, parce que sinon il se retrouve avec des doublons, voire même des triplés de news dans son fil d'infos, ce qui n'avait aucun intérêt. Et effectivement, ça fait quoi, je crois, une bonne dizaine d'années, si c'est même pas plus que ça, qu'on est les seuls sur son site, et on le remercie parce que son site est une référence absolue en termes de statistiques. Donc si vous voulez aller voir des statistiques de F1, vous allez sur statsf1.com. C'est propre, c'est carré, c'est net, c'est mis à jour quasiment en temps réel, je crois. Et c'est une bible et une mine d'or pour les statistiques. Ouais, c'est mis à jour dans les deux. Avant, il y avait un site qui s'appelait Forix, qui a été racheté, je crois, par le groupe Motorsport Network, il me semble. Je sais pas s'ils existent encore. Parce que c'est devenu Motorsport Stat. Voilà. Mais c'est moins bien qu'avant. Mais voilà, statf1.com, c'est gratuit, c'est français et c'est génial. Ouais, franchement, c'est top. Et la présentation est un peu ancienne, c'est un peu bizarre sur le web. Voilà, mais il est tout seul pour ça, oui, tout seul pour gérer. Mais c'est point fort pour moi. Parce que en termes de recherche de stats, de clarté du truc et tout, tout est trouvable facilement. Enfin, c'est incroyable. Honnêtement, moi, je sais pas, je ne saurais même pas dire les heures que j'y passe dessus. Mais... Après, s'il rentre, c'est pareil, un site qui est bien géré comme ça, je pense que derrière, il y a une base de données technique qui est extrêmement bien foutue. Tu rentres les résultats des séances et tout ça, et le truc te compile tout directement. Clairement. Quoi. Après, il y a juste la partie éditoriale quand il fait des bio, je pense, ce genre de choses, effectivement, qui sont là, tu peux pas te le frapper à la main. T'es obligé de le frapper à la main. Et encore, pour les mauvaises langues, dire maintenant, il y a l'IA qui pourrait faire ça, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et je pense pas qu'il en vienne à là, mais voilà, toute la partie technique, je pense que logiquement, si c'est bien foutu, il rentre juste les résultats des séances à chaque fois, les temps, les chronos, les places, les positions, tout ça. Et... Les bons constructeurs, les bons noms de pilotes, les voilà. Ouais, et tout est mouliné en temps réel, et voilà, c'est une sacrée base de données derrière, quoi. Je pense qu'au fil du temps, il a dû peaufiner le truc. Et c'est vrai que tu vois souvent, dans les 2 heures qui suivent une course, le site rame. Et puis, parce qu'en fait, je pense qu'il est en train de tout ingérer, les trucs. Et puis après, derrière la foulée, ça marche. Et tout est. Ah, il y a beaucoup de gens qui vont sur les sites pour les classements. Regarde-nous, quand on met les classements, en général, c'est la première page une des premières pages qui top après une course. C'est pour ça que je me grouille vraiment de faire les classements rapidement. Parce que j'ai même pas le temps de commencer à les faire, qu'il y a déjà une centaine, voire même 200 personnes qui sont dessus. Et c'est en l'espace de quelques secondes. Donc c'est pour vous dire les demandes qu'il peut y avoir aussi de ce côté-là. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'une partie statistique développée sur Next Gen Auto serait c'est quelque chose à laquelle on pense, évidemment. Maintenant, on n'aura jamais un niveau de ce que fait StatF1. C'est assez impressionnant, effectivement. Ouais, moi c'est pareil, Wario Zero, je peux y passer des heures et se perdre dans les stats, parce que c'est super intéressant. Et puis même, c'est vrai que quand tu cherches un peu. Tous les trucs, plein d'infos. Après, du coup, tu te retrouves avec des infos même sur. Ils ont une partie rédactionnelle aussi qui est assez complète, hein, sur les résumés de courses et tout. Franchement, c'est sympa. C'est très, très sympa. On va continuer ce débriefing. Alors, avec les deux équipes qui ont vraiment été. Qui ont fermé la marche, c'est Racing Bulls avec la 17e place de Isaac Hadjar, la 18e place de Liam Lawson. Isaac Hadjar qui était, Franck, je vais te laisser la parole parce que tu l'as entendu comme moi, particulièrement agacé et frustré après la course, puisqu'il n'était même pas content de devenir un pilote Red Bull aujourd'hui. Il a dit on a été nuls, et quand ils lui ont dit, demain au moins vous êtes Red Bull, il a dit oui, demain je suis un pilote Red Bull. Voilà, il était vraiment, il était chafouin. Il est hyper frustré en fait, parce que en fait à la radio, quand il lui a annoncé le résultat, son premier mot ça a été je suis très mécontent d'avoir perdu ma 10e place au championnat. C'était clair, net et précis à son ingénieur de course. C'était violentissime, en fait. Mmh. Alors que c'était la dernière course, quand même, qu'il faisait pour Racing Bull. Enfin, s'il n'est pas rétrogradé dans le film. Parce que, normalement. Ne l'excluons pas, ça s'est déjà produit pour beaucoup plus de pilotes qu'on ne le croit. Ouais, mais sans Marco, ça ira mieux, a priori. Mais sans Marco, ça ira mieux, oui. Je pense, je suis assez d'accord, mais avec Mekia, ça ira mieux aussi pour Hadjar. On est d'accord aussi là-dessus. Voilà. C'est pas rien n'est exclu. Non, mais bref, voilà, c'est clair que Hadjar, il est très c'est quelqu'un de très sûr de lui. Hein. Alors, il y a un petit débat sur les réseaux sociaux entre assurance et arrogance. Certains le trouvent plutôt arrogant, d'autres plutôt quelqu'un de très avec beaucoup d'assurance. Chacun a sa vision du personnage. Moi, je trouve qu'effectivement, il a plutôt beaucoup d'assurance. Il s'est passé effectivement plus du côté arrogance au côté assurance aussi au fur et à mesure de la saison. Maintenant, c'est clair qu'en termes de ce qu'il donne aux médias, je pense qu'il va subir un bon briefing médiatique pendant la saison, pendant l'hiver. Il va se recadrer un petit peu parce que ça passe pas chez Red Bull. Ça. Autant chez Racing Bull, ça peut passer, autant chez Red Bull, je pense que ça passera pas. D'ailleurs, il parle beaucoup plus et de manière beaucoup plus posé à la presse anglaise qu'il le fait au micro de Canal+. Voilà. Mais voilà, bon, effectivement, très agacé, effectivement, de ne pas finir dans le top 10 du championnat. Donc c'est Alonso qui prend cette place. Et voilà, et Lawson qui nous ont fait encore une belle sur. Je sais plus, sur Berman d'ailleurs, voilà, il manque de le mettre dans le mur, donc il se prend 5 secondes de pénalité. Mmh. Et là, pour le coup, Lawson a admis un peu ses torts en fin de course. Bon, pas grand chose d'ailleurs sur la course de Racing Bulls, ils étaient inexistants, ils étaient bien qualifiés. Mais la course a été totalement loupée. Donc, D'ailleurs, Adjar l'avait prévu, hein, ouais. Après les qualifs, il disait, mais je vais me faire manger. Voilà, et ben voilà, il a eu raison, il s'est fait bouffer. Pour moi, il avait bien vu le truc, quoi, franchement. Le rythme de course n'était pas là du tout. Donc, non. Et puis Lawson, c'est pas bien. Racing Bulls termine quand même à la sixième place. C'est leur meilleur classement. Voilà, hein. Jamais atteint. Enfin, il avait déjà atteint une fois. Ouais. Ça reste quand même une très très bonne saison, même si. François, c'était constant. Ils ne changent pas cinquième. Ouais. Après, ils ont gaspillé beaucoup de points avec la stratégie en début d'année, mais globalement, bon, voilà, ça reste. Il y a beaucoup d'équipes en fait, qui ont fait une saison très très correcte, à part Alpine. Et Ferrari, j'ai envie de dire, toutes les équipes ont fait quand même des saisons assez, assez correctes par rapport à leurs standards. Et c'était le cas chez Racing Bull. Adjar, on l'a dit, je crois que c'est celui, il a peut-être même plus de Q3 que Tsunoda, ça c'est sûr. Mais donc le plus grand nombre de Q3 aussi dans le milieu de grille, c'est vraiment très très solide, hein, de sa part. Mmh. On pose la question, si Lawson ne se brouille pas avec un autre pilote pour le week-end, il meurt. C'est un peu ça. Je pense que Lawson chez Red Bull ce week-end, ça aurait été un meilleur investissement que Tsunoda pour Jenny Norris. Mais là, pour le coup, ça risquait par contre de vraiment très mal se finir. Et je pense que notre monde parallèle, on serait peut-être en train de le débriefer ce soir. Au moins, on n'aurait plus parlé d'Abu Dhabi 2021. Après, je trouve que Lawson, il y a quand même pas mal de trucs où il s'est accroché avec des autres et tout, mais les autres n'étaient pas tout blanc non plus, hein. Il a connu que c'était lui, donc oui là, bien sûr, mais je veux dire, dans le mur, donc sur l'ensemble de son œuvre, pas devenir le nouveau Magnussen, quoi. Exact. c'est une très bonne comparaison. Moi je trouve qu'on est assez loin de ce que des dégueulasses que faisait Magnussen, mais moi je suis en train de lire, c'est pour faire la pub, le livre de Manu sur Gasly, et il y a le passage où Magnussen tente de bloquer justement Gasly. C'était où Il y a eu Baku et Suzuka. Enfin, il y a eu Suzuka 2018 Baku. Avec Leclerc et Gasly de bloquer Baku, je crois. Ouais. Et c'est Vasseur qui a dit que Magnussen va y mourir sur piste, c'est sans problème, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ah ouais, non, mais Magnussen, c'était hardcore, hein, franchement. Mais Lawson, voilà, est en train de se tailler une réputation de ce genre. Ouais. Justifié ou pas, c'est la question, mais bon, bah, ça fait encore une course et brouillonne, quoi. Complètement. C'est un peu. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de fois. Hein. C'est-à-dire Lawson plutôt point de vitesse, mais gâché par une pénalité qui n'était pas nécessaire et au final ça termine en dehors des points. C'est pas la première fois qu'on le dit. Hein. Mm. Et lui aussi. L'an prochain, bon, bah, c'est pareil. Hein. Il n'a pas une espérance de vie extrêmement grande, hein, peut-être chez Racing, on ne sait pas trop. Ben oui, clairement, lui. Tout dépendra qui sera le décideur, comme l'a dit Manu. Si Marco est plus là, effectivement, il y a peut-être une plus grande stabilité, une plus grande. Moins d'impulsivité, moins de. Ouais, c'est ça, dans le choix des pilotes, des promotions, des rétrogradations. Je pense que Bayer et Perman sont un peu plus. Ils ont un peu plus de science de tout ça pour dire on va lui laisser au moins une saison complète, tu vois. Je pense pas qu'ils vont le dégager en milieu de saison. Je pense que Mekies, Bayer et Perman, comme tu dis, effectivement, ils vont prendre plus de poids sur les décisions. Mmh. Sur qui faut bouger en F1, qui faut bouger de baquet, pardon. Que certainement il y aura un consultant extérieur qui s'occupera peut-être Guillaume Rouclin d'ailleurs, hein, qui s'occupe de ça actuellement, qui s'occupe de la filière, mais côté exploitation opérationnelle, peut-être qu'effectivement il prendra plus de poids sur le côté décision, mais bon, clairement. On sent que l'ère Marco est en train de se terminer. Il y a d'autres sites, d'autres médias en Autriche aussi qui annoncent la fin d'Helmut Marco là ce soir. Donc, la fin de Marco. À son poste, évidemment. Oui, bien sûr. Non, c'était mais, voilà, je pense que peut-être dans la semaine, on aura une annonce. Ou en tout cas en début d'année prochaine sur ce que fera, enfin, ne fera plus peut-être Helmut Marco. Chez Red Bull. En même temps, 82 ans aussi. Il va remplacer Lawson dans la Racing Bulls. Écoute, on ira l'installer au balcon du théâtre avec Papy, Bernie et Clouston. Une fois. Ah, il a que les deux, double, les deux meupettes. Il a que le double de l'âge, Alonso. Il n'a que le double. D'Hamilton. D'Hamilton. Hamilton, ah, je pensais qu'il était encore plus vieux. Ouais, 82. Ah, bah, ça va alors. Mais oui, il a encore de la marge. Et Clouston aurait presque pu être le papa de Marco. Hein. Quelques 5 ou 6 années près. C'est ça. Après, on se rappelle qu'Alonso avait participé au test de jeune pilote à Abu Dhabi il y a 2 ans, 3 ans. Je crois. Non, c'était en 2020 pour son retour en 2021. Marco est toujours un jeune pilote. il pourrait participer. T'as la grosse surprise demain. Non. Ça s'appelle Claque la porte. C'est vous de Marco. Du Marco Hadjar l'an prochain. Je veux dire, tu as fait les belles transitions, mais non, il reste une équipe à débriefer. Bah oui, il reste une équipe à débriefer, évidemment. Bah, mais l'an prochain, il y en aura une de plus encore. Oui. Mais en plus. Je fais juste une parenthèse que tout à l'heure, on a été un peu critique envers. Enfin, on parlait de Stroll, on est globalement assez critique envers Stroll. Et il est globalement vu comme le moins bon pilote du plateau. Mais il a quand même marqué autant de points que Yuki Tsunoda cette année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais voir qu'il a autant de points. Il a devancé Alonso la majeure partie de la saison. C'est vrai aussi. Mais non, je viens de voir qu'il a exactement. Il finit à égalité avec Tsunoda, ce qui est un peu douloureux pour Tsunoda. Et oui, pour Lawson, je voulais quand même dire aussi que c'était sa première saison complète. Malgré le fait qu'on le voit depuis 3 ans à F1, c'est sa première saison complète. Et il a dû quand même se remettre d'une rétrogradation ultra violente après 2 courses qui n'avaient aucun intérêt. Donc je trouve que il s'en est quand même bien sorti malgré sa rigueur en piste. Rigueur un peu. Et je trouve que voilà, pour moi, il n'y aura pas de risque pour lui l'an prochain, sauf vraiment catastrophe. Mais j'y crois pas trop parce qu'il a quand même un bon coup de volant. Et on va finir avec Alpine. Gasly termine 19e. Colapinto termine 20e. Dans la ligne dernier, pour le coup, on assume. Dans la ligne du week-end précédent. Et puis, c'était le dernier week-end du moteur Renault en Formule 1. 48 ans de présence au plus haut niveau, des titres mondiaux en pagaille et un sticker sur le côté des voitures pour dire merci Viri. C'était une super célébration de la part d'Enstone. Vraiment bravo à l'équipe qui a vraiment mis en avant toutes les personnes qui ont travaillé pendant des années, qui ont sué du sang et des larmes depuis des années. Ils ont mis en avant, ils ont réussi à signer un moteur, mais bon, il y a un capot moteur par-dessus. C'est ça. On peut même pas le voir. On signe une pièce que personne ne voit, on marque un sticker Viri, et le sticker Viri n'a même pas été mis en photo sur les réseaux sociaux. C'est énorme. En gros, là, j'ai marqué, pour ceux qui écoutent en podcast, sous les résultats, bon, il y a un bandeau résultat, sous le bandeau résultat, j'ai marqué merci Viri, et ben, j'en ai fait autant que l'équipe pour remercier les ingénieurs de Viri Châtillon. C'est vrai que ta voiture va être. Pas normal. Est une voiture qui sera inoubliable d'après ce qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ils ont mis un message pour remercier la 525, ouais, en disant. Attends, mais c'est quoi? Parce que du coup, je suis désolé, il faut que je vous dise le message. Mais... Ils ont dit ça? Ah, oui, attends, ils ont marqué. Merde. Non, j'y crois pas. Mais ah, si. Que si, mais attends, je vais t'expliquer. Alex, change d'équipe de cœur. J'ai décrit ce qui. C'est important, Alex. En 2026, t'as le temps de choisir. Jean-Luc Ferrari, sois solidaire. Ils ont marqué. La 525. Cœur bleu, cœur rose, une voiture qui nous a beaucoup appris. Avec 2 photos. Je sais pas ce qu'il aura. C'est quoi ? C'est le dernier tweet qu'ils ont fait il y a 7 heures. Ah non, non, mais là, c'est ouais. Moi, je sais pas qui gère la com dans cette équipe. Je vais supporter le Cadillac. Ah bah, il faut. Moi, je sais pas qui gère la com dans cette équipe, mais vraiment, c'est aberrant. C'est. Ouais, enfin, moi, je suis. Je suis vraiment pas optimiste pour cette équipe. Il n'y a eu aucun mot pour le moteur Renault, il n'y a rien eu, il n'y a même pas une conférence. Lamentable. Une petite fiesta, le seul qui a eu un mot pour Viri, c'est Gasly. C'est ça. Qu'il a dit après. Parce qu'on lui posait la question. Non, il l'a dit à la radio aussi, en franchissant la ligne. Voilà, ouais. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu de petite cérémonie, il n'y a pas eu de petite fiesta, de coupe de champagne, j'en sais rien, quoi que ce soit. Parce qu'autant Renault est venu, il est reparti de la F1, le moteur restait, il était parfois renommé, voilà, il y a eu des renommages de moteurs Playtec, je crois, dans le genre, il y a pas mal de choses. Hein. C'était Playtec le nom que j'ai mis, hein, à l'époque dans... Supertec, pardon. Et Playlife. Playlife, voilà. Playlife, Supertec, voilà. Mais le moteur était. Voilà. Mécachrome, voilà. Mais il y avait toujours un moteur qui était dans les parages, on va dire. Bon. Là, l'année prochaine, il n'y aura plus de moteur du tout. Il y aura une cellule veille avec 3 personnes dans un placard. Et à Viri, ben, écoute, je sais pas, il y a 2 personnes qui sont introduites récemment dans le centre, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu choper. J'en sais rien, mais je suis même pas sûr que cette cellule va vraiment exister encore. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont partis chez d'autres motoristes. Oui. Pour ceux qui pouvaient, de ce que j'ai lu des ingénieurs que j'ai pu voir sur les réseaux ou quoi, quand ils sont dégagés quoi. Enfin, je veux dire, ils restent pas chez Alpine. Personne ne restera sur une cellule de veille pour un truc qui ne sera jamais relancé. Non. Et personne ne restera pour développer un prototype à hydrogène. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et je voulais en rajouter une sur la com, parce qu'ils ont quand même fait un tweet hier. 2025, une année difficile pour tout le monde à Enstone et Viry-Châtillon. Mais ce sont dans ces moments-là qu'on apprend, c'est dans ces moments-là qu'on apprend à être meilleur, plus fort et plus déterminé. On se voit en 2000, on se voit en 2026. En ayant marqué Viry dans, le tweet, hein, quand même. C'est tellement cliché. Et c'est tellement maladroit. C'est tellement maladroit. Il y a rien. Je suis pas sûr que les gens de Viry en 2026, ils aillent dans les tribunes supporter l'Alpine. Je ne pense pas. J'ai un peu un doute quand même. Après, encore une fois, hein, moi, je n'exclus pas une bonne surprise non plus l'an prochain. Peut-être que j'y crois un peu trop. Mais... Ouais. On ne sait jamais. Hein. Ça me fait penser un peu à 2015. Bah, le problème, c'est qu'ils ont tellement réduit les effectifs que... ils auraient au moins gardé des effectifs ou embauché ou fait une dynamique de relance, voilà, tout ça, mais c'était plutôt le contraire. Oui, parce que Briatore a dit il est resté dans l'optique il faut être compétitif avec le moins d'argent possible, comme si on était dans les années 90, mais encore une fois, toutes les autres équipes investissent à fond, on voit Audi, ça recrute à fond, Haas même recrute à fond, et peut-être que Briatore pense que si Renault, si Alpine, si Enstone ne sont pas assez compétitifs, c'est pas parce qu'ils ont moins 200 employés ou 300 employés de moins que les autres, c'est qu'ils travaillent peut-être pas assez, et qu'ils ont peut-être pas assez peur, c'est peut-être ça l'explication. Ce que Briatore n'a pas compris, c'est qu'avec 300 personnes, on peut faire une F1 qui va à 3, 4, 5 dixièmes des autres. Mais pour faire les 3, 4, 5 dixièmes de mieux, c'est là qu'il faut que tu doubles, triples les effectifs. C'est ça. Et ça, il l'aura jamais compris, je pense. Et encore une fois, ce n'est pas une question de rentabilité. Je veux dire, toutes les fins sont hyper rentables. Et je crois que l'an prochain, Cadillac aura plus d'employés à la fin de l'année que Renault, enfin que Alpine en F1. Et le souci, pour moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que c'est bien, hein, le moteur change, on n'entend pas l'entendre tous les week-ends. Mais le châssis n'était pas bon. L'aéro n'était pas bon. Les développements n'étaient pas bons. Et que Gasly qui était bon. Ouais, il n'y a que Gasly qui a tenu la barre. Donc, franchement, l'an dernier, c'était Gasly et Ocon qui tenaient la barre, ils en ont viré un des deux. Donc, décision managériale de merde. Et on a encore eu un changement de team principal cette année. Non, mais c'est vrai, on a encore eu un changement de team principal dans l'année. Parce que cette année, encore une fois, hein, pour la quatrième saison de suite, il y a eu un changement de directeur à la tête de l'équipe. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise l'an prochain, tout va changer, ça y est, nouvelle ère, tout va bien fonctionner, on a un moteur Mercedes, oh, le miracle arrive. Mais il faudra que ah oui, j'ai oublié l'opérationnel, parce que les stratégies sont pas bonnes, les arrêts sont ratés, donc voilà, il n'y a rien qui va. Concrètement, la saison 2025 d'Alpine, elle est pire que la 2024, qui était déjà ce qui avait été fait de pire par l'équipe depuis très longtemps. Donc, moi, il faut qu'on m'explique comment ils vont redresser la barre, parce que je veux bien, hein, le moteur Mercedes, mais c'est même si tu mets une fusée, si personne sait la faire avancer, ça marche pas. Et encore une fois, il y aura Williams, McLaren et Mercedes qui auront le même moteur. Donc quand bien même le moteur serait un miracle absolu et qu'il serait largement devant la concurrence, que je crois pas trop avec les règles de la F1 actuelle, ils seront quatrième force en début de réglementation. Donc, et j'y crois pas une seule seconde. Donc pour moi, moi franchement, s'ils sont déjà 6-7e au classement des constructeurs, ce serait bien. Faut pas oublier que le budget des moteurs est aussi plafonné. Hein. On n'est pas du tout dans la situation de 2014. C'est ça. On n'en a pas assez, mais il y aura des mécanismes de rattrapage. Donc, on n'est pas tout à fait. Il y a beaucoup de comparaisons qui reviennent sur 2014. Et c'est sûr qu'il y aura des écarts plus élevés. En 2014, il n'y avait pas de budget plafonné et pas de rattrapage. C'était open bar et surtout pour Mercedes. Donc, ça peut aussi niveler la compétition et c'est une très bonne chose. Encore une fois, il y a beaucoup de monde qui critique Liberty Media, mais encore une fois, pour moi, ils ont vraiment fait beaucoup plus de bien à la F1 que le contraire. 100% d'accord. Et faut pas oublier aussi qu'en 2014, il y a des équipes qui sont totalement ratées en début de réglementation. Je pense à Force India, qui avait un moteur Mercedes, un châssis pourri. McLaren, c'était pas fou avec un moteur Mercedes. Non, c'était nul. Et j'avais un petit peu enjolivé la situation. Et il y a un podium la première course, c'est pas mal. Oui, c'était le seul de Magnussen. Ah oui, oui, oui, oui. c'était le seul de McLaren jusqu'en 2020, je crois. Ah oui, t'as porté ta croix, toi. Ah, mais moi, j'ai porté ma croix, mais un truc de fou. Hein. Et oui, parce qu'il y a un podium de première course de l'ère hybride, et après le suivant c'est 2020. Donc tu vois, pendant ce temps-là. Ok, bon... donc on sait que tu peux tenir 6 ans sans podium. Ça ouais. me rassure. Je resterai fan de McLaren. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que le titre d'hier a encore plus de saveur. Néanmoins, voilà. Parce que au moins, Jésus, quand il porte sa croix, il sait la résurrection au bout de 3 jours. Mais là, c'est beaucoup plus long. Mais après, je compare pas Manu à Jésus. Hein. Non, non. Non. T'as pas le même âge, non? Non, j'ai dépassé déjà. Non. Puis moi, je transforme l'eau en whisky McLaren. Donc. T'as fallu 6 ans quand même pour le transformer. C'est ça. Donc, Il est de quand ton whisky d'ailleurs? Non, j'ai acheté. Ben, ils ont, la collab, c'est 2020. Oui, mais ils ont pas mis 23 un an dedans. Il a coûté 12 ans. Ah non, c'est un 12 ans, c'est un classique. C'est l'appellation, enfin, c'est minimum pour. C'est un 12 ans que t'as acheté quoi en 2020? Ouais. Ah, bah, non, 2022. Donc ça remonte presque au titre de 2008. C'est ça. C'est vrai. Et ça, il est savoureux. Mais non, voilà. Donc, le marketing, ça marche. Hein, Manu ouais. Ah, mais moi, je suis un pigeon, alors je vais dire un truc. Je suis un pigeon total. Mais. Mais voilà, mais non, mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, pour moi, Alpine, pour en venir à eux, je vois pas de miracle s'accomplir. Alors c'est bien, ils sont tous confiants. Alors, je comprends pas trop le commentaire de Pierre Gasly sur le titre 2026. J'avoue que je sais pas si c'est pour un coup de boost. Il a peut-être fait une espèce de all-in sur un coup de motivation pour les troupes, hein, parce que lui, il a ce rôle-là aussi. Et je pense que motiver les gens d'Enstone et déjà de Viry cette année, ça devait être très compliqué. Et puis motiver les gens de l'équipe globalement, ça va être très compliqué quand tu n'as pas trop le choix non plus, on va dire. Heureusement qu'il y a Gasly dans cette équipe quand même. Bon, bien sûr, il y a plein d'ingénieurs qui font un super boulot, mais. Ouais. Ah bah non, mais oui, les ingénieurs font avec ce qu'on leur donne. Hein. De ce qu'on voit, c'est le seul pilote, je crois, qui a marqué tous les points de son équipe cette saison. Et heureusement qu'il est là, hein, franchement. Et la deuxième Alpine est la seule voiture qui n'a pas fait de top 6 de la saison, je crois. Puisque, même plus que ça. Attends, Colapinto, sa meilleure place. Tsunoda en a fait un, ouais. Douane. Non, mais bah non, c'est même plus que ça. J'ai n'importe quoi. Ah, si, parce que les autres ont tous fait un top 6, ouais, c'est ça. Mais du coup, la meilleure place de la deuxième voiture, c'est 13, 11. Voilà, c'est 11e. Donc, oui, il a fait une 11e place, oui. Pas de top 10, pas de points, enfin voilà, et puis ouais, et toutes les autres équipes ont réussi à mettre les deux voitures dans le top 6 à un moment ou à un autre. Donc vraiment, Gasly, on se rend pas compte du. Oui, c'est ça, ouais, c'était. Tsunoda, il lui manquait un top 6 aussi à Baku. Même Red Bull a mis sa deuxième voiture dans les points, c'est dire. Et dans le top 6. Et dans le top 6, oui. Ah, une fois. Donc voilà, c'est vraiment. Bon, maintenant, on espère quand même que le projet l'année prochaine. Fonctionnera hein, quand même pour lui déjà. Ouais, bah, juste pour franchement, juste pour lui, les pilotes pour les et puis les gens qui se font chier pour faire marcher l'équipe. Pour le management, bon, j'en passe. Hein. Ouais, c'est pas, je suis pas forcément content pour Briatore ou pour d'autres. Ouais. Même si ça marche, il sera le premier à se glorifier de ce choix. Et ça va être abject si ça fonctionne. Hein. C'est ça. Mais voilà, pour tous les gens à Enstone, pour Pierre aussi, que ça fonctionne évidemment. Mm. Ça ira pas chercher des podiums et des victoires, hein, mais soyons clairs. Mais... Qui a pris une très belle photo avec Nigel Farage dans le paddock. Mais bon. Entre joueurs infréquentables. Mais ouais, non, Gasly, c'est 10 Q3 cette année. Ça tient quasiment. J'en viens quand même à espérer que Gasly a comme une bouée de sauvetage quelque part si jamais le projet Alpine ne marche pas. J'espère. Je sais pas où. J'aurais presque envie de mettre une petite pièce sur Red Bull. Au cas où Verstappen s'en va. L'équipe française, quoi. Mais qui est Gasly a déjà rushé. Ça serait un beau pied de nez en or, ça. Un beau pied de nez en or, ça. Taureau rouge. Et ils sont sponsorisés par Taureau rouge. Ça marcherait bien au Québec, ça. Parce qu'il là-bas, ils traduisent. Taureau rouge compétition, tu vois. On a déjà Grand Prix, alors ça va. Et là, pour le coup, Bibit, ça marcherait moins bien. Mais ça, ils sont plus là. Ils sont plus là, mais oui. On peut y aller, c'est bon. La vache qui est pas mal. Avec Lance Promenade. Mais c'est vrai que tu remplaces le jaune de Red Bull par du blanc, tu mets une vache qui rit à la place du taureau, puis c'est parti. Hein. C'est taureau rouge compétition. le groupe Bell. Il y a quelque chose à faire. Hein. Ah, bah si là, il y a un projet. On est fatigué là, quand même. Sauf que c'est pas en début. On a encore une journée un peu intense demain. Donc. C'est ce qu'a dit Maurice dans le conférence de presse. Il a dit merde, mais il y a encore des essais privés mardi et mercredi. Ouais. Je sais pas non, si. Non, juste mardi. Juste mardi. Ah oui, pardon, juste mardi. Mais je sais pas si Maurice s'est réveillé alors qu'il est. Il est obligé, il sera là demain. Donc pour ceux qui, peut-être en fait, que Piastri fera la matinée, comme ça lui aura le temps d'émerger. On a mis le programme des essais privés de demain sur le site, c'est la dernière news qui a été publiée. Donc il y a 10 voitures qui seront des mulets, donc des voitures de cette année adaptées pour pouvoir. Si vous voulez voir des voitures moches, c'est demain, clairement. Voilà, qui rouleront à 290 km/h maximum plafonné pour mieux simuler les conditions de l'année prochaine. Donc normalement vous aurez tous les jeunes pilotes qui feront largement des meilleurs temps que les titulaires. Voilà. Alors il n'y a pas de titulaire chez Aston, c'est Stoffel Van Dorn qui est... Franchement les titulaires chez Aston sur ce dernier Grand Prix, ils n'ont pas fait les libres 1. Hein. Ils ne veulent pas tester la voiture 2026. Ils sont en mode vacances Alonso et Stroll, donc voilà. Mm. Vous avez la liste de ceux qui participeront, donc il y aura un jeune pilote par équipe. Ils n'ont pas fait moite-moite, je crois que c'était pas possible. Et soit il y a deux pilotes, soit il y a un pilote dans l'autre voiture, donc ils se partageront du coup matin, après-midi. Sachant que matin, après-midi, c'est 6h du matin chez nous, 9h là-bas, et ça va jusqu'à 15h française, donc 18h là-bas. Et tout au long de la journée, surtout les photos, après les infos arriveront au fur et à mesure. Et bien sûr, les résultats et des déclarations dans la fin de journée, et certainement le lendemain aussi, parce que on vous le cache pas avec Manu, on est un peu crevé, donc on va pas se faire les... Je crois pas qu'il y a 25 ou 28 pilotes directement mardi soir. Mmh. Surtout qu'il y aura sûrement des interviews un peu plus longues qui vont tomber, donc qui mériteront d'attendre le lendemain, le surlendemain. Voilà, donc par contre, vous allez tout suivre, vous allez avoir les photos comme d'habitude, in extenso de la. Voilà, encore une fois, plus de 6000 photos sur ce week-end, hein, pour ceux qui adorent les photos, de très très jolies photos en plus. Mmh. Plus de 6000 photos en ligne, voilà, donc du jeudi au dimanche, jusqu'à la galerie bonus du lundi, qui reprend des photos complètement différentes de ce que vous avez déjà vu. Et pour nous, du coup, ouais, fin de la 16e saison sur Next Gen Auto. Un grand, grand merci encore une fois à tous ceux qui travaillent avec nous, avec Manu, Alex, évidemment, que vous me connaissez, parce que c'est la face émergée de l'iceberg, face visible. Voilà, mais je remercie aussi Arnaud, notre développeur. Je remercie aussi Camille qui gère pour nous le GP, la F2, le GP2, voilà. La F2, voilà, on en parle un minimum, on en parle un petit peu encore. Et puis voilà, et puis on pense aussi à notre ami Paul, voilà, qui gère sa première année avec son enfant. C'est ça. Voilà, donc qui vit très bien sa nouvelle vie en Allemagne. On est très content pour lui. Et voilà, et on espère une 17e saison à vos côtés. Qui va arriver de façon très très vite. Hein. Nous, cet hiver, on va pas chômer. Alors, les bilans à sortir. On n'a pas parlé encore avec Manu et Alex, mais je vous regarde avec des gros yeux. Moi, je fais les bilans McLaren, vous faites le reste. Les bilans, et puis voilà, puis dès la mi-janvier, on va commencer à parler de nouvelles F1, au moins des nouvelles livrées. Parce que... Bah dans un mois, une semaine, il y a Red Bull qui présente Racing Boost qui présente leur livrée. Hein. Voilà, délivrée, voilà, j'ai petit. Ah. Voilà, on va les nouvelles F1. Alors, le problème, c'est qu'on est tous effectivement hyper circonspects sur ce qu'on va voir fin janvier. Parce que fin janvier à Barcelone, il y a 5 jours d'essai, mais les équipes ne pourront tourner que 3 jours parmi les 5. Ils peindront à la main sur la petite F1 en 3D, en impression 3D que la FIA a posée en plein milieu du paddock. Là, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un message Blue Sky là-dessus, mais la. La FIA a fait sa première maquette 3D de la voiture 2026. C'est plus de budget. Et en fait, c'est imprimé en 3D. C'est dégueulasse. L'impression est affreuse. J'ai cru que c'était de l'uplâtre, moi, au départ. Mais oui, mais c'est horrible. Tu vois les roues, t'as l'impression qu'il y a un patch de plâtre à un moment dessus. C'est n'importe quoi. Alors que 2022, c'était pour les 2021. Au départ, ça devait être. On avait eu une maquette 60% de soufflerie en 2019. Là, un mois avant, on a de la merde qui est en impression 3D. Enfin, c'était affreux, c'était n'importe quoi. Donc, vous aurez des meilleures choses en janvier sur Next Gen Auto que la FIA. C'est ça. Et puis, voilà, on ne sait pas ce qu'on verra janvier-Barcelone. Est-ce qu'il y aura des indiscrétions? Est-ce que... On ne sait pas. Ça va être compliqué à suivre tout ça. Mais voilà, ça sera suivi sur Next Gen Auto pour la 17e saison de suite. Une saison vraiment pleine d'inconnus. Hein. Ça, c'est... Mmh. C'est ça, pour le coup. Plus grand changement réglementaire de l'histoire de la Formule 1. Tout simplement. À suivre avec nous, je l'espère. le milieu de l'édition web est un peu bouleversé. On a déjà parlé par tout ce qui est changement de mise en avant des éditeurs en Europe par rapport à la guéguerre commerciale que se livrent les États-Unis et l'Europe, notamment Google. Voilà, donc tout le monde est un petit peu pris en étau là-dedans. Donc on essaye de survivre tant bien que mal, on y arrive pour l'instant, on espère que ça ira mieux. Là ça a été un peu mieux ce dernier mois, donc on vous remercie aussi de votre présence, de votre fidélité, et puis on espère que ça se stabilise un petit peu pour qu'on puisse suivre la 17e saison avec vous et que tout se passe bien. Voilà, donc on vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On fera peut-être un live avant Noël. Si on se sent avec Manu, et puis sinon, en janvier, c'est certain. Tous les 15 janvier, on vous fera un live pour vous présenter aussi ces nouvelles voitures et tout ça, parce qu'il y aura beaucoup à dire sur le plan technique, et puis sur la saison 2026, on vous fera un petit Manu petit va faire sa propre maquette de son côté. Exactement. Mon dénigo. J'ai pas de maquette, mais c'est vrai que j'ai pas mal potassé le sujet, donc je commence à bien connaître le règlement, enfin, en tout cas les contraintes aéro du truc du machin. Donc voilà, d'ici là, on pourra vous donner un peu plus de clés pour suivre la saison. Et on fera toujours les paris. Évidemment, puisqu'on n'a pas encore fait, on n'a pas parlé des pronostics. Ah oui, je croyais qu'on avait oublié celui-là. Non, pour le coup, je m'en suis pas trop sorti, mais c'est Alex qui a fait un parfait. Et je sais pourquoi Alex en parle, effectivement. c'était pour t'aider à suivre ton fil conducteur. C'est gentil. Bah oui. J'apprécie. Alors, les pronos. Franck avait marqué Verstappen, Norris, Piastri. C'était pas mal, t'étais pas loin. T'avais quasiment le bon. Moi, j'avais marqué. C'est bien s'il n'y avait pas eu Alex. Moi, j'avais marqué Norris, Verstappen, Piastri. J'avais été un peu optimiste, mais il fallait vraiment que j'y croie à ce titre. Sinon, j'aurais pas tenu ce week-end en vie. Et Alex avait fait Verstappen, Piastri, Norris. Donc, bravo à toi, puisque tu finis l'année par imperfect. Et on n'a pas eu beaucoup cette année des perfects, donc bravo à toi. Ah, j'en ai fait deux, du coup. Ah, c'est ça. J'en ai fait un, je crois. J'en ai fait un aussi. Et quand j'avais fait le pari la semaine dernière, Manu t'avait dit, mais tu veux vraiment que je stresse jusqu'au bout? Et ben j'ai stressé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah putain, j'étais pas bien. Mais la fin de course était un peu moins stressante, mais bon, c'est vrai que ça a été jusqu'au bout début, le suspense. La première moitié, moi j'ai stressé, alors j'imagine même pas. C'était irrespirable. Quand je voyais Leclerc, là, en debout de demi-droite, ça arrivait à un dixième, deux dixièmes. Jamais arrête. Bon, finalement, après, ça a été un peu plus. C'est vrai que Piastri aurait reculé de deux places s'il fallait. Oui, au pire. Mais je crois que le pire, ça a quand même été quand j'ai vu que Leclerc s'était arrêté. J'ai dit, c'est bien, Norris a réagi de ça. Après, j'ai vu que Leclerc avait des médiums et qu'il reprenait une seconde autour à Norris. J'ai fait, non. Et puis, en fait, les médiums ont cramé super vite. Donc, heureusement. Heureusement pour McLaren et son pilote, évidemment. En tout cas, merci. Alors, est-ce qu'on fait les pronoms pour Melbourne 2026 juste... Ça peut être marrant. Si après, s'il y a des lives avant, là, c'est vraiment à l'aveugle. Ouais, mais justement, c'est bien, on les garde et comme ça, au moins, on les ressort à Melbourne pour dire voilà. Ça peut être marrant. Allez, moi, je vais le tenter. J'espère que vous aussi. Je vais tenter. Si tu tentes, oui, hein, mais bon. Je vais tenter. Piastri. Norris Piastri. Je tente Piastri, Albon, Russell. Waouh. Oh là là. On comprend plus rien. Ah bah ouais. Que du Mercedes quand même. Ouais, que du Mercedes. Début de saison, je vois Mercedes quand même avec un coup d'avance. Vas-y, Alex. Alpine, Alpine. Non. Gasly, Colapinto, Bottas. Russell, Piastri, Norris. Ouh. Ok, donc vous la jouez Mercedes. Ouais. On est d'accord qu'on refera des pronos après les essais privés, hein, bien sûr. Oui. Là, c'est juste qu'on se les ressortira au mois de mars. Ce sera marrant. Alors. Ben moi, je vais rester un petit peu quand même dans la foi. Dans la foi, c'est le mot que je cherchais. Avec Hamilton. Oh là là. Leclerc, oh là là. Et allez. Hamilton, Bottas. Et Verstappen. Allez, soyons fous. Toute une saison à parier sur Ferrari, ça t'a pas vacciné. Non, mais je fais ce pronom là maintenant parce que je sais très bien que One Mars, quand on devrait les faire, je pense que ça devrait largement changer. Je pense que pas. En plus, mais bon, Peut-être pas. il va avoir de la casse moteur, peut-être de la pluie. Enfin bon. Bah écoute, moi je dis que moi je crois ce que me dit Vasseur. Hein. Une sur 2026. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, on Oui, reverra la ça dégâts. évidemment, Ah, mais on c'est reverra marrant. ça, on fera ça le live d'après les essais hivernaux. Oui, bah, le live, le petit briefing de saison, comme on fait chaque année ou on presque. affinera et puis voilà. On mettra la séquence. En fait, il faut savoir qu'on enregistre plein de séquences possibles où on fait plein de paris différents et en fin de saison, on ressort la bonne séquence. Ouais, c'est vrai Ah que. oui, c'est mon dernier morceau d'espoir parce que si Ferrari était vraiment à la ramasse cette année prochaine en 2026, je sais Oui, qu'il mais va après, il y a un pouvoir changement gagner le réglementaire. Oui, il y a un changement réglementaire en 2031. Oui, bien sûr, oui, j'allais t'en parler. Je sais pas si c'était censé être rassurant. Je sais pas si c'était censé être rassurant, mais. Vincent, en 2027, il dira, on met tout sur 2032. En 2027. Et là. Oh non. Et lui, on va tout mettre sur la retraite aussi, à mon avis. Ah putain. J'ai tout mis sur mon plan d'épargne retraite. J'ai tout mis dessus. Ah la vache. Ah, on va espérer quelque chose de sympa pour Ferrari. On. C'est pas impossible, hein, sur le papier. Tout à fait. Ah non, mais de toute façon, c'est tellement. Là, les pronos qu'on fait, à part c'est à Audi l'aveugle. Cadillac, on va dire quand même clairement que bon. Et Ouais, Red Bull Ford, si on était. Ouais, il y a un si mois, il y a un monde où Audi est devant Red Bull. Hein. Ouais, c'est ça, si on était honnête, mais bon. Même si apparemment. C'est la F1. Même si apparemment Red Bull ça va mieux que ce que c'était il y a quelques semaines, mais c'est la F1. C'est Qui ça. aurait dit au début de saison que McLaren ne plierait pas le championnat seulement au dernier Grand Prix quoi. Après saison. Trois courses, après personne ne va être. Faut vraiment déjà cette année après trois courses tout le monde disait c'est bon c'est plié pour McLaren ouais, c'est c'est terminé. On a vu ce que ça a donné. Ce sera encore moins le cas l'an prochain évidemment. Alors qu'après trois courses il y avait une victoire pour chaque Norris, Piastri et en plus oui. Verstappen. Les essais privés étaient quand même très très peu rassurants. Oui. Ça, c'est indéniable. Et les trois ont été à un niveau là. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai refait un peu les résumés là, comme je disais. Les trois ont été à un niveau dès le début de saison qui était assez impressionnant. Donc, on a vu directement que ce serait eux, quoi. Voilà, bah, en tout cas, on vous dira un peu plus en détail, Thierry, toutes les modifications. On fera le jour où on fera le truc sur 2026, on fera une FAQ un petit peu, un truc assez interactif avec vous pour justement. Faire tout ça, parce que c'est vrai que le règlement n'est même pas finalisé complètement, donc voilà, il y a encore un peu d'attente auprès de la FIA. Alors, techniquement, il l'est, c'est sur le mode de fonctionnement qu'il y a des ajustements encore. Ouais, c'est plus sur la partie sportive du règlement. Ouais, la partie énergie, la partie aileron, voilà. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les ailerons mobiles sous la pluie ou pas, quand, ce genre de choses. Et ça, j'ai tendance à penser que la FIA n'en a aucune idée, ils ne savent pas du tout. Non, pour l'instant, on ne sait pas, c'est ça. Je pense que la FIA, là vraiment. Non, je pense que je serais pas étonné qu'il y ait un peaufinage du règlement après les premiers essais de janvier. À l'année prochaine, ça va être la prime aux pilotes, aux gros cerveaux en tout cas. J'espère que ça sera pas trop compliqué à suivre pour le grand public. Je pense que le grand public suivra en n'ayant pas la moitié des clés de la course, clairement. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de niveaux de lecture en fait, selon l'implication des gens. Voilà, mais ouais, ça va être quelque chose. Putain, live de 2h30 quand même, les gars. Bah ouais, hein. Voilà, la dernière, en même temps, un titre mondial de McLaren, ça allait bien que je fasse durer un peu le plaisir. Mais de toute façon, on se revoit mardi soir pour le débrief des essais privés. Bah écoute, merci. Ouais, Manu, d'ailleurs, on attend tous que tu nous envoies ta caisse de champagne donc chez Alex et chez Wall. Enfin, j'avais pas eu 20 euros. Tu peux bien payer ton coup quand même, là. Oui, bah, je peux payer mon coup. Mais... caisse de champagne. Parce que là, dans la fin, en 98, moi, je me souviens pas que. C'est vrai. C'est très juste. Même pour Tim Hamilton, il m'a rien envoyé. Ouais. Non, c'est vrai, mais en même temps, à l'époque, j'étais qu'un simple lecteur de F1 Live. Hein, donc, faut pas oublier que McLaren n'a jamais gagné de titre sous l'ère Next Gen Auto. Donc, je peux pas. Voilà, c'est. Bah, cela dit, Franck, même sous Schumacher. Ah, je bossais pour F1 Live déjà. Donc... C'est vrai. Le titre McLaren, moi, c'était sous l'ère d'Eli F1. Donc, ça remonte encore un peu plus loin. Quand on vous dit que ça faisait longtemps. Trop longtemps. Ah ouais. Bon, ça fait trop longtemps qu'on fait ce métier. Enfin, en tout cas pour moi. C'est déjà dans ça. Ouais, bah c'est ça. Bah, en fait, c'est des dimanches à 14h que j'ai retrouvé la hype et l'adrénaline. Parce que c'est vrai que juste avant ça, j'ai commencé un peu à tirer en longueur. Un peu. Et là, finalement, tu as les enjeux et tout, ça te requinque. Et puis finalement, on a déroulé une soirée de news au courage, à l'adrénaline de du résultat. Donc ça, c'est... l'adrénaline, elle est revenue quand il y a eu marqué incident technique sur les McLaren après Las Vegas. Tu vois, là, j'ai commencé à avoir l'adrénaline qui est bien remontée jusqu'à hier. Tu confonds l'adrénaline et la peur. Ah, mais elles sont mélangées. Mais voilà. En tout cas, demain, vous aurez aussi l'occasion de voir Isaac Hadjar sous ses nouvelles couleurs et Arvid Lindblad également, puisque l'an dernier, il y avait beaucoup de débutants. Mais cette année, il n'y aura pas beaucoup de changements d'équipe. Mais Isaac Hadjar va faire ses grands débuts officiels avec Red Bull. Donc, Pour le coup, les chronos de demain n'ont strictement aucun intérêt. Ah oui, alors là, par contre, non, clairement. Et bien, regardez, ce que les voitures ont sûrement une gueule un peu atypique. Ouais, différente. Ouais. C'est ça. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis toute cette saison, qui n'est pas entièrement finie, mais pas loin, hein, ça commence à arriver. Et puis, merci Alex, merci Franck, ça a été toujours un plaisir. C'est vrai qu'on aime bien faire cette émission, comme on dit souvent, parce que ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu plus, enfin déjà un peu plus interactive avec vous. Et puis, voilà, on a un peu plus de liberté de ton, parce qu'on fait les articles, ça reste sérieux, parce que c'est du contenu informatif. Là, il y a le côté un peu plus analyse à chaud, et puis... subjective, on va dire, qui est un peu amusant. Donc merci à tout le monde pour cette saison 2025 de Formule 1. Merci à tout le monde. Profitez bien, passez du bon temps et si on se revoit la semaine prochaine pour une émission, vous serez informé évidemment comme d'habitude. Et dans tous les cas, on se reverra très très vite. Et sur Next Gen Auto, l'info continue évidemment tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. Ciao tout le monde. Merci, ciao. Bye bye.